Dans les années 90, pour faire une compile, ça se passait comme ça. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Maintenant, il y a la playlist. Vos 10 titres cultes en une seule émission. Avec un petit truc honteux à la fin quand même. Nous sommes le vendredi 19 février 2016, il est 21h passe... Bah non, 21h, ouais, enfin ça dépend du décalage horaire. Et c'est le premier hors-série de la playlist qui a été demandé par, bah, pas par moi déjà, mais par le peuple ici présent. Que, comment va le peuple ? Comment va le peuple ? Ça va. Bien. Donc le peuple ici présent, représenté par Musica, comment ça va Musica ? Ça va, merci. Kikrine, comment ça va Kikrine ? Très bien. Merci. Est-ce que ce yaourt était bon ? Ah bah tu vois qu'il s'est poli, Barberousse. C'est vrai. Iji, comment ça va ? Mais oui, c'est clair. Iji Malou, vous l'avez reconnu. Et au final, Fox, comment ça va, Fox ? Écoutez, je suis très heureux d'être là ce soir. C'est le podcast de tous les Français. De tous les Français. Ouais, c'est si seulement, mais on sait jamais. Donc on va parler de quoi ce soir ? Enfin, vous allez parler de quoi ce soir, parce que moi j'ai rien foutu. Simon & Garfunkel ! Donc c'est un hors-série complet sur Simon & Garfunkel, donc à force de me saouler, vous en avez eu. Saouler. Oui, là, je crois qu'on va laisser la parole à notre porte-parole officielle, justement, Iji, du coup. en termes de saoulage... Moi ? Mais je ne comprends pas, enfin ! Mais oui, bien sûr ! Je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler. Je n'ai pas saoulé. Allez, soulé. Le peuple, c'est toi. Fortement... Je suis le peuple. Pardon. Non, je suis le roi de la France. Ah oui. Vas-y, le peuple. Ça fait le peuple, comment que ça va ? On a faim ! C'est de voir ce que je veux dire. Il faut manger. Allez, on recentre tout de suite. SCG, Simon & Garfunkel, alors pourquoi ? Alors, parce que nous avons décidé, et j'ai pris l'initiative de te conseiller fortement cette idée, et j'ai vu qu'elle t'a très rapidement plu, et donc après je t'ai laissé faire ce choix et apprécier fortement notre motivation pour faire cet épisode, et d'ailleurs je peux dire, je pense au nom de tous, que nous sommes très ravis que tu aies accepté et même demandé cet épisode, donc c'est absolument parfait, nous sommes très heureux d'être là et nous sommes très heureux de pouvoir parler de deux grands chanteurs que sont Simon & Garfunkel. L'avocat du diable. Elle est bien, hein. Elle est bien. Ah ouais, c'était parfait. J'ai dit... Autant pour présenter un truc bof, enfin pour préparer un truc bof, mais à l'oral, je suis pas pourrie. C'est ce qu'il y a. On parlera du quiz parce que t'as zéro prépa, hein. Je te le rappelle. T'as rien préparé. C'est le truc le plus débile qui soit à faire. Hein. Mais c'est très drôle. Je dis donc c'est hors série, donc on va laisser tomber la règle des 10 titres. Malheureusement, je me suis encore fait avoir une fois de plus. Non. C'est... Donc il y a eu 10 titres, mais qui seront soit des titres, soit de Simon, soit de Art Garfunkel, ou soit carrément des reprises. Donc ça va changer un petit peu. Normalement, vous n'allez pas avoir les mêmes titres que vous avez eu dans les épisodes d'avant. Enfin, j'espère, si je me suis pas fait arnaquer, parce que j'ai pas vérifié du tout, en fait. Et pour mon plus grand bonheur, ou pas, encore le peuple a imposé un choix total d'avoir des chansons bonus. Donc vous aurez 4 chansons bonus. Donc ça vous fera 14 chansons. C'est la version de luxe. Voilà, on a voulu 15 à un moment, mais tu as refusé. Alors que nous sommes d'accord que dans une playlist normale, il existe le titre de la honte, qui donc fait 11 titres. Donc nous trouvons ça absolument inadmissible. Droit, IJ, rendre muet. Ouais, je l'ai. Ouais. Faut pas exagérer. Oui. Ah, je n'exagère pas. Je rappelle juste les règles implantées pour les autres playlists. On a quand même déjà réussi à vachement bien négocier. Donc... Voilà. Faut pas déconner. Donc. Exactement. Bon. On va peut-être vraiment commencer là. Alors, le premier titre, Sound of Silence, version acoustique. Qui c'est qui l'a choisi celui-là ? Ah, bah tout le monde. De toute façon, les 10 premiers titres sont un consensus. Ça a été soumis au vote populaire, encore une fois, et on est arrivé à ce résultat-là. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound. Comment ça se fait que vous avez pu vous mettre d'accord tous autour de The Sound of Silence? Parce que c'est un incontournable de Simon & Garfunkel. C'est peut-être... Ouais, c'est certainement la plus connue, en fait, du groupe. Donc voilà, ça semblait un peu évident de mettre un classique, mais... Pour introduire. Exactement. Et en plus, c'est la version acoustique, elle est du premier album, donc c'était un peu... voilà, quoi, c'était... Le commencement. Exactement, c'était un peu obvious, et c'est le titre qui les a fait connaître. Pas cette version-là, mais... Ouais, sauf qu'au début, oui, ça n'a pas marché, donc... Bah, le premier album, Wednesday Morning 3 AM, ça n'a pas du tout marché. Ouais. Bah, tu vois, là, t'es courageuse de le prononcer en entier, parce que moi, je n'osais pas. Je vis en Anglitanie. Donc là, donc elle a le droit. Mais non, c'est en Anglitanie, c'est ça, en anglican. En Grande-Bretagne. La Bretagne qui a de la gueule, en fait. Marc Ikrine, toi aussi. Ah oui, mais complètement. T'as bien choisi d'accord. Aussi, ça oui, oui, complètement. Oui. Pour la même raison, parce que c'est un classique absolu. Je pense que ça fait partie des titres auxquels on pense tout de suite quand on cite Simon & Garfunkel. Donc c'était logique. C'était logique, ouais. Ouais, choix logique, très bon choix. Et puis très belle chanson surtout. Ah oui, magnifique. Et triste quand même. Très belle voix, ouais. Très belle musique. Triste hein, quand même. Très triste, ouais. Le texte. Ouais, mais la tristesse peut être belle dans un sens. Parce que même si effectivement ce qu'ils racontent c'est triste, ils le font d'une manière et d'une subtilité et d'une beauté que c'en est parfait. C'est poétique en fait. On est bouleversifiant. Oui, c'est très poétique. Absolument. Mm-hmm. Complètement. Mais en plus. Pourquoi vas-y. Pardon, je pense que t'allais dire. Mais pourquoi cette version-là purement acoustique? Bah justement. Ouais. Parce qu'on est des puristes. Alors qui raconte l'anecdote du coup? Bah je sais pas, si t'as envie de le faire, Fox. Bah, moi je m'en fous. Bah sinon, je peux le faire comme tu veux. Bah Fox, vas-y, voilà. Puis après on tournera. Ouais. Bah donc du coup, ouais, comme on dit précédemment, en fait le premier album il n'a pas marché des masses. Pourtant donc il y avait cette version-là. Donc du coup, juste après en fait le duo il s'est séparé une première vraie fois. Donc où Simon il est allé en Angleterre, il a fait son petit truc de son côté, il a même sorti son premier album solo de son côté en 65. Qui n'a pas marché non plus, ouais. Mais Garfunkel, il a rencontré une certaine Cathy. C'est ça. Garfunkel lui était resté en Amérique. Et en fait pendant que du coup les deux étaient occupés à faire leurs petites affaires chacun de leur côté, il y a les ingénieurs du son qui, le producteur, ouais, qui ont pris les bandes et qui se sont dit tiens, on va la refaire un peu plus électrique. Et en fait, cette version-là, plus électrique, c'est celle qu'on connaît plus. C'est celle qui est plus passée ouais, dans l'inconscient populaire. Et en fait, cette version-là, du coup, elle a marché alors qu'eux n'étaient pas au courant qu'elle avait été faite. C'est ça, et ça les a d'ailleurs incités pour refaire le groupe. Et c'est ça qui est absolument génial. Mais je pense aussi qu'elle a été vachement connue grâce plutôt au film Le Lauréat. Je pense que ça a beaucoup aidé, quoi. Même si elle a marché par d'elle-même, le film a beaucoup aidé, je pense. Ah, Le Lauréat, ouais, ça a dû bien lancer parce que la BO, elle est composée exclusivement de nouvelles compositions et puis de oui. Chansons déjà existantes. Ouais. C'est ça. C'est 67, je crois, Le Lauréat. Je crois que c'est avant, c'est avant le quatrième album. Ouais, c'est avant Bookends, ouais. Donc, ouais, voilà, c'est 67. C'est ça. Mais ça, en plus, je pense qu'elle est d'autant plus marquante, celle-là, dans le film. Parce que c'est quand même la musique de début, c'est le film démarre et 30 secondes après tu as la musique qui démarre et je trouve d'ailleurs l'introduction du film absolument géniale et c'est aussi la musique de fin. C'est vraiment les deux moments importants et clés du film, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'elle est énormément restée. En plus, il y a beaucoup de symbolisme dans l'intro de ce film. Ah oui, non mais le film franchement, il n'est pas très connu en France, ce qui est vraiment dommage, mais c'est un film très sympa. Ah oui, il est très bien, il est très sympa. Un peu particulier, il y a peut-être un chouïa long, mais c'est vraiment un très bon film. J'avais pas vu le temps passer. Ouais. Oh, si on a envie de voir Dustin Hoffman, qui avait 30 ans à l'époque, jouer un mec qui est censé en avoir 20. C'est sympa. Ouais, aussi. C'est ça. Et la nana, c'est Mrs. Robinson, justement, qui devait jouer une femme beaucoup plus âgée que lui, alors qu'en fait, elle avait juste 2 ans de plus. Ouais, ou un petit peu plus, je crois, mais pas de beaucoup, ouais. Ouais, mais il n'y avait pas un. Ouais, voilà, il n'y avait pas un écart d'âge énorme. Et c'est vraiment génial. Alors, par contre, pour l'anecdote du film, en VF, celui qui double Dustin Hoffman, c'était Patrick Devers. Oui! Ouais. Oui. Ouais, j'avais vu ça. C'était Patrick Devers. Et j'avais vu le film en VF, me semble-t-il. Oui, moi aussi. Et puis la VF était très bien. Ouais. Et c'est après, quand j'avais vu un film avec Patrick Devers, j'avais vu l'info. Et puis j'ai réécouté. Et c'était. Ah, mais ouais, je reconnais en fait. Maintenant, ça fait bizarre, ouais. Maintenant que vous me le dites, je reconnais bien. Mais J et Kikri, vous avez vu le film? Je crois qu'on les a perdus. Allô? Non, non, je suis désolée, j'ai pas vu ce film. J. Alors... je parlais dans le vide. C'était magnifique. Alors, ça a dû vous plaire. En tout cas, je pense que vous avez dû bien profiter de ce repos. C'était calme. Oui, bah tu vois, je te devance, je sais ce que tu penses. Alors, je disais, oui, je l'ai vu il y a très longtemps aussi. Et c'est vrai que je l'ai trouvé très bien. Mais vous avez dit que c'était le film qui est sorti au moment de la quatrième. Non, c'était avant, ils ont mis. C'est un petit peu. Le quatrième est sorti en 68 et le film date de 67. Et c'est. Ils ont mis 3 albums à vraiment décoller. À partir du 2, ils avaient déjà du succès. Et bah, d'ailleurs, comme ils ont fait la bande originale du film. On va dire que ça a encore plus. C'est ça. Ouais. Parce qu'il n'est pas très connu en France. C'est un film culte aux États-Unis. Hein. C'est d'ailleurs quand Mike Nichols, je crois qu'il est mort il n'y a pas très longtemps. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Mais ça a été. C'est tous les médias américains et peut-être britanniques aussi, ils en parlaient en disant que voilà, vous auriez dû voir tel film du réalisateur, tout ça. Alors qu'en France, il n'y a rien. Il y avait justement, il n'y a que le lauréat. Il n'est déjà pas très connu en France, mais c'est le film le plus connu du réalisateur. Donc c'est pour donner un peu une idée. Et en plus, Mike Nichols, du coup, le réalisateur du lauréat, il est vachement lié avec Simon & Garfunkel, dans le fond. Puisque après que le duo se sépare, ou au moment à peu près de la séparation du duo, il va tourner 2 films avec Garfunkel. Il va tourner Catch 22. Qui est un peu une sorte qui est une sorte de satire de guerre. Et qui est aussi un livre culte dans le monde anglophone. Ouais, hein, c'est qui est aussi un livre. Et donc, du coup, il y a Garfunkel dedans. Et puis, le deuxième film, avec il va tourner même avec Nicholson et Garfunkel. Mais par contre, j'ai plus. Oui, ce désir nommé charnel. Ouais, c'est ça. Ce désir nommé charnel. Ce plaisir nommé charnel. Ouais, pardon, j'ai vu un truc de Tennessee Williams il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça. J'ai vu le titre. C'est un mot nommé désir. J'ai tout mélangé. Voilà. C'est le plaisir qu'on dit charnel. Oui, c'est ça. Voilà, ce plaisir qu'on dit charnel, exactement. C'était ça. Qui sont 2 bons films. Ah, ça, je les ai pas vus, du coup. Eh ben, je les ai vus, ouais. De toute façon, Nicole, c'est un plus ou moins lui qui a déclenché la séparation du groupe. Hein. Enfin. Ouais, indirectement, mais bon. Il y avait des problèmes d'ego et tout entre les deux, quoi. Mais... Oui, voilà, même si ça les a pas empêchés après d'être potes par la suite. Mais oui, il y avait ça qui a fait. Il y avait les problèmes d'ego, mais il y a aussi le fait que. Voilà, ils sont toujours restés potes, c'est juste que ça a été des grosses querelles d'artistes et puis des grosses fâcheries qui ont duré pas mal de temps. Mais... Surtout que Paul Simon, apparemment, il est un peu un melon, quoi. Proportionnel à sa taille. C'est ça, c'est un complexe d'infériorité, je pense. Il est un peu connu pour ça, mais après. Les petits, c'est très mieux. Ta gueule, Iji. vous voyez, je ne dirai absolument rien de méchant et elle m'a. Non, c'est moi, je me sens épuisée personnellement de voir cette remarque. C'est pour ça. Mais absolument, les petits, c'est teigneux, c'est vicieux. En langage quid novi, ouais, ça veut dire certainement. Ouais. Ah, d'accord. Et donc, du coup, pour en revenir à la chanson, du coup, on est obligé de la mettre parce que c'est un incontournable, effectivement. Voilà, il avait. Et la version acoustique est tellement moins connue, en fait. Et voilà, c'était le début pour eux. Du coup, on a voulu que ce soit aussi le début pour notre playlist. Je la trouve même peut-être plus sympa en acoustique qu'en version plus électrique, tu vois. Ouais. Ah non. Moi, je propose qu'on la remette. Oui, c'est une excellente idée que tu as là, Kikrine. Non. Bah, enfin, Barbarous, ce on sera pas, pas la première parler. Fois, n'est-ce pas ce ne serait pas du tout la première fois, hein. Cette impression d'être comme dans Charlie et ses drôles de dames. Ah non, salut Charlie. Dessus en permanence. C'est encore salut gentil Charlie. De dire que Fox est une drôle de dame. Salut Charlie. Ah, putain, merci Jessica. Cette réputation de merde. Mais alors, vous êtes entré dans l'univers de Simon Garfunkel par The Sound of Silence ou une autre chanson? Forcément. Ouais, une autre, moi. Mais je pense que... autre. Je sais pas avec Iggy et Karine, mais... Ikrine un peu... Enfin, c'était tout un album d'un coup, donc je peux pas trop dire... Au moins, est-ce que c'était sur cet album-là? Ouais, bien moi, sûr. Il me semble que je t'avais raconté, moi. Ouais. Vas-y. Non, vas-y, termine, je t'ai coupé en plein milieu, là. Je n'en ferai rien. Donc moi, personnellement, bon, je sors d'enregistrement plus tard. Non, donc, fini. Oh, c'est bon. Là, c'est... En fait, elle dit ça. Tu sais, on perd le fil. Exactement. C'est bon. C'est que t'as écouté un album complet d'abord. C'est ça que tu disais. Ouais, ben oui. Moi, je suis tombée sur un CD. J'ai écouté le CD en entier. Donc, c'était pas une chanson écoutée comme ça et tombée par hasard dessus. Et puis, t'accroches. Bon, j'avais directement le CD. Donc, du coup, j'ai. Voilà. Mmh. Oh, c'est pratique. Et c'était celui-là. Pur hasard. Ouais. Bon, on va passer à la suivante. Donc toujours complètement collégiale. Tout a été collégial. Je rajouterais juste qu'on avait pensé à mettre celle-là en premier parce qu'on s'était dit que c'était une bonne introduction pour les gens, parce que les autres peuvent être, on va dire, plus particulières, tandis que celle-là, on va dire qu'elle parle quand même. Attends, à tout celle-là, le monde. Attends, celle-là, The Sound of Silence. Oui. J'avais juste oublié de le mentionner avant. Alors, la deuxième, c'est April Comme She Will. Alors, s'il te plaît, Musica, tu peux le prononcer en anglais. April Comme She Will. Et là, je veux du silence absolu. Merci. When streams are ripe and swelled with rain, may she will stay. Alors pourquoi celle-là? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'expliquer? Ouais, non, là c'est. C'est même perturbant de parler de ça. Oui, mais il vaut mieux, sinon je me suis retrouvé. Je crois que c'est une chanson qui passe beaucoup, enfin qui est très, très portée sur l'émotion. Exactement, oui. C'est une belle histoire d'amour. Qui s'est finie tragiquement. Et exactement. Presque, je sais pas, ça finit en nostalgie. C'est triste et en même temps c'est logique et c'est plein de sentiments. C'est une belle chanson. C'est bon mais triste à la fois. Ouais. Alors Karine, ça raconte quoi? Et ben, alors c'est l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un mec. Non, on se permettrait pas. C'est l'histoire. En fait, il va mettre en parallèle les saisons et son histoire d'amour. Donc au printemps, ça commence. En été, c'est la meilleure période. Et puis ça va mourir doucement en automne. C'est tout con, hein, en fait. Mais et puis il restera la nostalgie, ses souvenirs. Et choses comme ça, et c'est super joli, et en même temps, c'est une chanson qu'on comprenne ou qu'on n'écoute pas vraiment le texte, elle se suffit à elle-même juste par ressent, le son, le son de sa voix, et c'est voilà, c'est du miel. Ah oui, complètement. On la ressent, ouais, c'est... donc. Vous êtes d'accord avec moi. Donc même quelqu'un qui cherche même pas les paroles, à savoir ce que ça veut dire ou quoi, c'est comme une. Petite, ouais, c'est joli, ça te berce, c'est voilà. C'est très très beau. Et c'est trop court. Ça va. Ouais, elle est super courte, mais en fait, leurs chansons sont pas très très longues. Hein. Il y en a. Ça m'arrange. Ouais, c'est un peu le cas m'arrange. Dans les années 60, c'était pas très. C'était pas des épisodes de 30 ouais, mètres de long. C'était généralement le 2-3 minutes, temps, quoi, voilà. La moyenne. Non, mais c'est bien, et puis hyper classique, hein, refrain, couplet, enfin, c'est tout, les chansons sont y a même plus, pas de refrain, je pense, ça dépend lesquelles. Ah oui, mais non, mais là, je parle de celle-là. Ouais. Pour celle-là, non, voilà. Et c'est rigolo parce qu'en fait, que les chansons soient super tristes ou plus gaies, voilà. Il n'y en a pas non plus une quantité phénoménale qui soit super gay, mais même la première qu'on a entendue, on, qui est quand même, c'est ça, quand la première phrase commence quand même par bonsoir ténèbres vieil ami, je sais plus exactement, je reviens te discuter. Eh ben Non. Eh ben, s'il te plaît. Moi j'ai eu la décence de pas le faire. Salut les ténèbres, moi aussi je me retiens. Alors que j'en crevais d'envie. Et... malgré le fait que les paroles soient super sombres ou que là dans April que les paroles soient quand même assez mélancoliques. Ouais, mielleuse, ça passe tout le temps. Les chansons, elles se donnent pas envie de se pendre. Elles sont super belles. Elles ouais, sont, c'est ça. Ça peut même te mettre de bonne humeur. Tu chantes, t'es contente. Ouais, tu chantes vrai. Des choses hyper tristes, ouais. Mais ça va bien, quoi. Ça vous met de bonne humeur, ça. C'est qu'en fait, je trouve, c'est un certain équilibre. Souvent, c'est ça que j'aime bien justement dans Simon Garfunkel. C'est un certain équilibre entre un côté assez mélancolique, parce que y a la majorité oui. de leur musique, c'est mélancolique, avec un côté donc un peu triste, etc. Mais un côté, c'est tellement beau que c'est tu n'es pas dans la déprime. C'est pas comme si tu écoutes des fois des trucs de Radiohead qui te plombent, quoi. C'est, alors que j'adore Radiohead, hein, mais c'est, voilà, c'est pas une musique de dépressive, c'est très juste. C'est, ça, j'aime beaucoup. Final. Ouais. Et puis la douceur de leur voix, enfin de Garfunkel pour le coup, oui. comme ça, la douceur de, ouais, surtout de Garfunkel, c'est limite une voix qui fait sourire ah, quand oui. on l'entend. Il peut oui. dire n'importe quoi, il peut dire ouais, je suis en train de mourir, blablabla. C'est ça. Il le dit d'une manière à laquelle on est obligé de répondre par un sourire quand on les écoute. On peut fermer les yeux et sourire en même temps, alors que c'est hyper triste c'est par moment. C'est l'ambiance, c'est un tout. J'exterminerai tous les pandas du monde et les pandas qui sont dans le fond. Ah, ça pourrait, tu vois, ça pourrait faire de très bonnes paroles. Je rirais, tu vois. Ouais, non, mais et en plus, je pense que les gens qui vont découvrir un titre 2 vont pas faire gaffe forcément à ça. Je pense qu'en tout premier, ce qu'on entend, c'est un ressenti oui. par rapport à leur la conjugaison de la voix et de la mélodie. Ah mais complètement. Mais bon, merci. C'est ça. Voilà. Mais honnêtement, c'est un des groupes. Bon, c'est Paul Simon aussi, mais vraiment Garfunkel, c'est vraiment ça. C'est le mec, c'est le chanteur qui, moi, il me touche. Mais à un point, ouais. c'est vraiment des fois j'ai envie de pleurer, des fois ouais, j'ai la banane comme c'est pas permis, etc. Mais c'est vraiment ouais. C'est, moi, ça me touche énormément cette voix et ce type de musique là, tout ça. C'est un chanteur à voix, si on peut dire, mais dans le même sens qu'on puisse penser. Ah, pas Céline Dion, quoi. Voilà, c'est pas. c'est vrai que c'est un type de voix très particulière, quoi, qui fait qu'elle se suffit pas mal et que. Elle est belle, il sait très bien l'utiliser. Voilà, d'ailleurs. C'est son instrument à lui, en fait. Vu qu'il joue, ouais, c'est ça. Vu qu'il joue pas d'instrument. Exactement. Ou alors très peu, mais je ne l'ai jamais vu avec un instrument, en tout cas pendant les concerts. Non, ou alors il doit le jouer, tu sais, mais ouais, vraiment de en amateur côté, pour, ouais. pour soi, quoi. Il me semble que j'avais vu qu'il jouait d'un instrument, alors incapable de me rappeler lequel c'était, mais que, ouais, mais c'est le juste triangle. Un amateur. C'est pas... le triangle. Je vous rappelle qu'il est interdit ici de parler de mélodie. J'y pensais même pas, mais pensez à Apollinaire, du coup. Oui. Bisous à Apollinaire. Tu te ramèneras avec ton mélodica bientôt. c'est marrant, vous avez commencé par tant de chansons, mais du duo. Et pas juste du double single, double tout seul. Pourtant, vous parlez toujours de la voix. Bah, parce de que là, dans April Comes She Will, c'était vraiment... Là, ça faisait la part belle à Garfunkel, donc forcément... Mais pourtant, c'est quand même écrit par Paul Simon. Oui, tous les textes, quasi sauf un, écrits que par Paul Simon. Il y en a qu'un qui est, je crois qu'il y en a qu'un qui a été écrit à non, à même pas, parce que c'est Scarborough Fair, si je dis pas de conneries, et puis c'est une reprise à sa façon. Donc, oui, c'est un réarrangement. Mais elle s'appelle pas que. Ouais, mais elle s'appelle pas que Scarborough Fair, c'est à remarquer. Elle s'appelle oui, aussi Canticle ou un truc, je sais plus quoi. Et en fait, quand tu vois dans les crédits, tu vérifieras oui, avec tes CD, c'est crédité Paul Simon et oui, Art Garfunkel. Parce que dans cette musique, il y a évidemment la ballade britannique très connue, mais il y a aussi. Entre deux, il y a aussi une musique et un poème qu'ils ont composé tous les deux, enfin qu'ils ont écrit tous les deux, et c'est très très beau. propose de passer à la suivante. Non, attends, pause deux secondes. Je tiens, il faut signaler que April Come She Will est la cover que nous avons choisie. Hein. C'est... Voilà, voilà. J'ai eu pour mission de l'annoncer au grand monde. Bah, c'était ton idée en même temps, hein, donc c'est... on va pas... Non, le pire, c'est que c'est mon idée. Non, non, tout de suite, les grands mots. Non, toi, t'as voulu la mettre, mais absolument. C'était IG qui voulait la faire passer en cover. Bon. C'est une idée commune, calmez-vous. Parce que Fox, je ne peux pas reciter mot pour mot, mais Fox a dit, mais au fait, April Come She Will, c'est une cover, on peut la faire passer. Et moi, par la suite, j'ai réinsisté sur le fait qu'on l'a laissée en la faisant passer pour la cover. C'est vrai. C'est la nuance. Alors, on va expliquer le pourquoi du comment quand même. C'est parce que tout à l'heure, quand j'ai dit qu'après le premier album du duo, ils se sont séparés pendant un temps, Paul Simon, il a été faire son petit bonhomme de chemin tout seul. Il a sorti donc du coup son premier album solo, et sur ce premier album solo, il y a sa version à lui tout seul de April Come She Will. Et une fois qu'ils sont revenus ensemble, ils ont réenregistré quelques-unes des chansons de l'album solo de Paul Simon, ouais. C'est d'une certaine manière une reprise par le duo d'une chanson de Paul Simon en solo. Et là, je vois Barberousse qui se décompose. Bon, vous avez compris, je me suis encore fait arnaquer. C'est-à-dire qu'au-delà des 14 titres qu'on va vous proposer ce soir, vous allez en avoir peut-être 15, 16, 22... Non, parce qu'on n'en écoutera que 14. Bon, s'il vous plaît, la suivante, je suis Caillou. Musica, comment ça se dit en bien ? I am a rock. Merci. A winter's day in a deep and dark December, I am alone, gazing from my window to the streets below on a freshly fallen silent shroud of snow. Ah. Je suis Caillou, I am rock. Karine, Kikrine, pourquoi celle-là? Ils m'ont obligé. Non, non, je plaisante. Je tiens quand même à signaler que le choix des chansons a été super dur et super long. J'ai trouvé. Ouais, ouais. Donc, c'est le but de la playlist. Je voulais le dire. Deux très bonnes soirées. On a passé deux soirées. Je voulais le dire parce que je sais que. Voilà, Barberousse, il aime bien qu'on en, ouais, qu'on en chie. Si on durait des heures. Oui, plaisir, donc, pour une fois que c'est pas lui qui en chie. On en a vraiment chié. Donc là, je sais que tu jubiles sur ton siège. Alors. Je voulais te faire ce plaisir-là. Merci. De rien. Vu qu'après, tu vas sûrement être torturé encore une bonne heure, peut-être plus. On peut t'accorder ce minuscule petit. Le double, je fais le montage. Ah oui, merde. Il y a des fois, je vous entends. Voilà, voilà. Rock. Alors. C'est le petit instant technique de l'émission. Donc là, la question c'était pourquoi ils ont choisi ça et moi je n'ai pas forcément choisi ça parce que je la connaissais pas. Ah voilà. Non mais je vais être honnête. Ah. Je ne connaissais pas toutes les chansons parce que c'est impressionnant quand même. Je suis avec trois personnes qui sont bluffantes de connaissances sur les deux personnages qui sont Simon et Garfunkel. Peut-être pas la jacket que j'aurais utilisée pour elle, mais... Mais si, on prend. Et donc, mais voilà. du coup, en fait, tu l'as redécouverte avec le passage de... Le passage de matériel, c'est ça? Le passage de matériel, c'est quoi ça? C'est-à-dire pendant qu'on délibérait, quoi. Avec les différents échanges qu'on a dû faire. Exactement. Mais je suis contente, c'est bien, tu vois. Très contente. Et la playlist sert à ça, à faire découvrir des titres à des gens pour... Pardon. Qui viennent dans l'émission, parce que on a autant de personnes qui écoutent. C'était Iggy, présidente du parti Simon & Garfunkel, président. Mais je pensais que j'en connaissais vraiment beaucoup. Mais je peux faire aussi d'autres parties, hein. Me sens sans doute. Ils ont sans doute un prépa. Non. Bon, sinon les autres, pourquoi avoir forcé Kikrine à choisir celui-là ? Parce que c'est un des génériques de mon d'un de mes podcasts. Ah bon ? Enfin, c'est vrai, mais... Petite pub pour musique. Non, pas du tout. Alors là, je suis loin de l'autopromo. Non, mais c'est... Je dis ça parce qu'en fait, elle est quand même super belle et un peu comme toutes celles qu'on a choisies, vous me direz. C'est le principe. Mais... ouais, voilà. Mais c'est en plus une de celles... elle est connue. Elle est connue, mais c'est pas la plus connue. C'est pas celle à laquelle on va penser automatiquement en pensant Simon et Garfunkel. Ah ouais, je confirme. Voilà, en général, c'est Bridge Over Troubled Water ou alors c'est The Sound of Silence. D'ailleurs, c'est The Sound of Silence qui va venir en premier. Voilà. Mais après, on va te citer aussi I Am a Rock. Et voilà, c'est marrant, je trouve, en fait, que ce soit une musique qui soit considérée comme une des plus connues du groupe, mais qui n'est pas si connue que ça. Et en plus, elle est très très belle. Elle est accrocheur, accrocheuse, plutôt. Ouais, c'est ça, elle est accrocheuse, mais en plus, je sais pas, là, le texte, il est toujours aussi bien, quoi. C'est très poétique et c'est pas mielleux. C'est un mec qui raconte que, en fait, il va s'enfermer dans... c'est dit, j'ai pas besoin d'amis, j'ai pas besoin de vie sociale, j'ai pas besoin de... J'ai aimé un jour, mais je suis fort maintenant. Il aurait dit, je suis un roc, je suis une île, dans le sens où je suis tout seul, et puis je suis toute seule. Et c'est très bien. Je fais une arme, hein. Et c'est... voilà, et je suis très bien comme ça. Et il va faire toute une démonstration en disant, ouais, j'ai besoin de personne, etc. Et à la fin, il dit quand même les phrases... je vais d'abord le dire en anglais parce que je me rappelle. And the rock feels no pain, and an island never cry. Ce qui cries. En fait, ça balance, en fait, ça renverse complètement la chanson. C'est ouais, j'ai besoin de personne, tout ça, mais parce que je veux être un rock et une île, parce que les pierres, ça ne souffre pas, et les îles ne pleurent pas. Et je trouve ça c'est juste un mec qui veut se protéger lui-même sous couvert d'un se protéger oui exactement de solitude, c'est très une carapace ouais c'est ça c'est très subtil mais c'est en même temps c'est au niveau littéraire entre guillemets c'est vraiment beau et c'est très malin et en plus alors pour anecdote j'ai dit que j'ai utilisé en générique mais à la base j'ai pas du tout choisi pour ça mais un moment dans la musique, il dit « I have my books and my poetry to protect me ». Donc, j'ai mes livres et ma poésie pour me protéger. Et comme c'était le podcast Bookshelf, où je parle de bouquins, d'ailleurs, je le reprendrai un jour, c'est promis. Et j'ai écouté ce passage, je dis « Oh putain, j'ai choisi, j'avais même pas fait exprès ». Et donc, forcément, j'ai pris ce passage-là pour le mettre dans le podcast en question. Et j'ai trouvé très à propos. Voilà, c'était l'anecdote à la con. Non, mais c'est bien. Dans les trois chansons que vous avez choisies, excuse-moi, je termine après, c'est extrêmement dépressif. Non, c'est bien sûr, c'est pas dans le sens dépressif, en fait. Parce que, regarde, il y a une phrase, justement, pour rester dans I Am A Rock, pardon, qui est juste magnifique, qui est « If I never loved, I never would have cried. Donc, si je n'avais jamais aimé, je n'aurais jamais pleuré. » Et c'est pas dépressif. C'est la vie. C'est juste... un gars qui se dit... Exactement. Ouais, exactement. Voilà. C'est un gars qui est en train de réfléchir et qui se dit « Oui, mais après tout, si j'ai rien, je peux rien perdre, etc. » Tu vois, c'est tout des trucs comme ça. Si j'aime personne, personne pourra me briser le cœur. Et c'est hyper beau. C'est pas forcément dépressif. C'est juste de la réflexion, on va dire. Le gars, il se dit mais autant que je me protège directement, ça vaut pas le coup de souffrir comme ça. Et c'est hyper beau, plus, c'est pas dépressif. Tu peux balancer le truc le plus dépressif du monde si la musique, si la mélodie, elle suit, bah tu ça passe bien, tu t'en ça fous. Regarde, quand il balance... tu sais, il le balance au monde, le truc, c'est « I am a rock, I am an island ouais. ». Il veut se faire entendre, quoi, d'une certaine façon. Ouais, voilà, mais c'est en plus, c'est pas parce que le sujet d'un texte est forcément triste, parce que bon, c'est vrai que c'est pas le truc le plus joyeux qui soit comme type de texte, c'est pas beau. C'est la vie, et puis même, c'est... À partir du moment où c'est fait de manière juste, tu tombes pas dans le pathos, c'est pas forcément... c'est pas une musique que t'écoutes... Enfin voilà, c'est pas, t'as pas envie de te pendre à la fin, quoi. Est-ce que ça tire aussi à cette guitare sèche au final, toute simple? Mais je pense qu'il n'y a pas besoin de fioritures, des fois. Allez, c'est brut de décoffrage, quoi. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que des fois, t'as quand même... Là, c'est vrai que c'est plutôt une guitare sèche et il y a quand même... Il y a des percussions. Il y a quand même aussi de la batterie, voilà, des percussions et d'autres instruments à l'arrière. Mais des fois, t'as des musiques très... pas forcément en guitare sèche, mais t'as juste des instrumentales, enfin des musiques avec juste un instrument, voire deux si on peut s'en inclure de la basse, mais c'est déprimant possible. Mm-hmm. Je sais pas si vous avez entendu Alléluia de Jeff Buckley, c'est magnifique, mais c'est... Ouais, mais c'est pas... Ouais, mais c'est pas... Tout le monde a regardé moi, Shrek. J'ai pas... mais c'est pas, ouais, mais c'est pas celle dedans, de Jeff mais... Buckley dans Shrek. C'est la version de Rufus sur Run Right, si je me souviens bien. Ouais, Rufus. Ah ouais, d'accord, je croyais que c'était l'original du coup. Et la version est plus courte, elle est aussi plus claire, parce que le Jeff Buckley c'est quand même plus, un peu plus vieux, donc le son est pas forcément moins bon. Attends, Jeff Buckley c'est plus vieux ? Et surtout vers la fin. Ah ouais. Que Rufus Wainwright, ah ouais, tu vois, bien sûr. Personne et surtout vers la fin, en fait, Jeff Buckley il crie, il les arrache pratiquement, c'est Hallelujah. Et. Tandis que Rufus Wainwright, il reste dans un truc très lisse. Il dit, enfin, c'est toujours des Hallelujah. C'est pas des Hallelujah comme l'autre peut. Ouais, voilà, mais après, bon, on va pas non plus faire une analyse de texte sur la musique de sur Hallelujah. Mais si, on c'est a le temps ça. Dans le voilà, hors-série de j'ai parlé de Jeff Buckley. J'aurais pu prendre Like One aussi qu'il a faite, mais je veux dire, c'est des musiques qui sont très. C'est des musiques qui sont très. Il y a pas beaucoup justement d'instruments. Voilà, c'est très dépouillé. Il y a pas grand chose au final, mais c'est très poignant, c'est très très triste et c'est pire que ça. C'est au final, alors que Simon Garfunkel, c'est plus la vie au final, c'est avec ses hauts et ses bas. Voilà. C'est une pierre brute à l'état brut, justement. C'est une pierre précieuse à l'état brut. Et c'est en ne mettant pas tous les artifices que ça reste naturel. Et ouais, parce que quand je disais que ça n'avait pas besoin de fioritures, je disais là dans le contexte de la chanson. C'est que je pense que là, ça suffit, quoi. Ça n'aurait pas eu besoin de plus d'instruments, de plus de choses. Enfin, je sais pas. Mais... De rajouter des corps, yeah baby, tout ça, c'était pas la peine. Une grosse faute de goût. Absolument. Comme on trouve dans beaucoup des musiques actuelles. Hein. Oui, mais il y a des madames à poil. Bah, on va dire que musicalement parlant, ça apporte pas grand-chose. Non, parce que en fait, dans le quatrième titre que vous m'avez envoyé, il y a un truc entre parenthèses, c'est Feeling Groovy. Mais, non. C'est et tu vas voir, c'est... Non, justement. Balance, et puis tu vas voir, c'est étonnant. Pas du tout. Que... Alors, quatrième titre, oui, alors celui-là, ouais, mais il y a un autre. Ouais. Ah, pardon, excuse-moi. Non, mais il y a un grand titre avant avec un 59 TH. Attends, je vais la rechercher parce que sur le coup, sur le doc, je n'ai que la. The 15 Inch. Ouais, attends, non, mais là, j'y arriverai pas. Voilà, j'y arriverai pas de. Ridicule, c'est ça. C'est. Alors. Pendant ce temps-là, vous pouvez téléphoner à votre conjoint pour lui dire « Je ne serai pas là pendant 3 heures ». Si vous voulez sortir IJ, tapez 1. Si vous voulez sortir Musica, tapez 2. Si vous voulez sortir Fox, tapez 3. Si vous voulez sortir Kikrin, tapez 4. Si vous voulez sortir IJ, tapez sur n'importe quel jeu. Ah, je serais capable de le faire. Bon, ok, je sors. Ah voilà, j'ai trouvé. Donc c'est... Oh putain, c'est vrai que c'est dur quand même. The 99th Street Bridge Song. Ou Feeling Groovy. Non, 59th. 59th, putain. C'est, 59th. Voilà, c'est pour dire comme c'est. Voilà. Street Bridge Song. Ouais, bah oui, bah, c'est écrit. On est d'accord, on part là-dessus. Oui. Slow down, you move too fast. You got to make the morning last. Just kicking down the cobblestones, looking for fun and feeling groovy. Ba-da-da-da-da-da-da, feeling groovy. Hello lamppost, what you knowin'? I come to watch your flowers growing. Ain't you got no rhymes for me? Do it and do-do, feeling groovy. Da-da-da-da-da-da, feeling groovy. C'est marrant. je suis en train d'écouter ça. C'est peut-être mon esprit malade, mais je suis en train de me dire que ça ferait super bien pour une campagne de la sécurité routière. Je pense que c'est ton esprit malade, du coup, hein, mon Dieu. Mais la sécurité routière spéciale Grande-Bretagne qui finissent toujours mal, c'est bizarre. Elle bouge celle-là, wow. Elle est, et c'est pas la... très jolie, genre. Mais franchement, je pense qu'il y a juste. À tort, on pense que Simon Garfunkel, c'est un groupe dépressif qui. Pas dépressif. Voilà, ouais. Alors qu'en fait, pas du tout. Plutôt lent, quoi. Que voilà. Celle-là, elle est joyeuse, mais sans que ça. C'est pas celle qui parle dans tous les sens, c'est la plus péchue, on va dire. Mais il y en existe des musiques dansantes de Simon Garfunkel où t'as juste envie de bouger, de gueuler à tue-tête, etc. Bon, moi j'ai envie de secouer ton corps. Mais non, pas ce soir. Je l'ai pas fait, je suis gentille. Mais c'est ça. On peut parler de Shake You Tell Fraser de Ray Charles. Non, tu l'as déjà fait, s'il te plaît. Ne nous égarons pas. Déjà, Simon Garfunkel est un sujet assez vaste. Pour pas partir sur quelqu'un d'autre. Exactement. Ce serait pour un prochain hors-série. Et cette chanson-là, elle est terriblement positive. En fait. C'est fou, justement. C'est vraiment la chanson qui te dit « Ouais, la vie est belle. » Je me sens super, c'est super bien. Je m'aime. C'est tout. Voilà, c'est ça. Mais quand je disais que leur musique, c'est avec des hauts et des bas, quoi. C'est-à-dire ça raconte les bas de la vie, les hauts de la vie, les moments un peu entre deux, ou juste un peu les instants suspendus. Et ça, c'est juste... Tu sais, des fois, ça fait penser un peu aux moments, t'es juste content, tu sais pas pourquoi, mais t'as envie de danser dans la rue, de chanter, de dire bonjour à tout le monde, avec le sourire, tout ça. C'est exactement ça. Ah, bah, putain, le nombre de fois où j'ai dansé dans la rue, où j'ai chanté dans la rue... Malheureusement, je dois dire que je suis comme Musica sur ce coup. Ah non, tu vois, on parlait de c'est... sourire sur leur chanson tout à l'heure, ben là, c'est le bon exemple. Quoi. Là j'avais, j'avais le petit sourire. Ouais. J'avais le petit sourire en coin. Là, c'est la banane. Pendant l'écoute. Ah bah oui, mais c'est... Et ça donne envie, en plus, de chanter, de dire « Putain, je suis bien, la vie est belle. » Puis voilà, quoi, c'est... Voilà, c'est ça. C'est... celle-là, je l'avais écoutée la première fois. Je l'avais écoutée une fois. Et la première fois que j'avais écoutée, c'était une reprise, en plus de... Comment ça s'appelle de Alain Souchon et Laurent Voulzy. Ouais, oui. Et je lui dis, putain, mais elle est bien, oui. Celle-là, dis donc. Et puis... j'avais dû voir, en fait... J'avais cherché les paroles à l'époque. Et j'avais dû voir que c'était de Simon Garfunkel. Mais je connaissais pas le groupe. C'était... Ouais, bon, bah, c'est bien, c'est deux, voilà, point barre. Et quand j'ai acheté le CD, quand j'ai réécouté ça, j'étais « Putain, elle est tellement mieux !» C'est l'original, elle est tellement mieux. Elle est extrêmement flippante quand tu écoutes les chansons une deuxième fois, musique, faites très attention. Ah non, mais c'est, franchement, c'était... C'est un des, je l'ai déjà dit dans ma playlist, mais franchement, c'est un des plus gros coups de cœur musicaux que j'ai eu, hein, Simon Garfunkel. C'est une ouais. claque dans ma gueule, hein, sans ouais. déconner. C'est vraiment... Ouais, mais en plus, je pense qu'avec Fox, si on a découvert le groupe avec la même chanson, pour peu que ce soit la même version, en plus, ça doit être... La version CD, voilà, quoi, c'est... la version disque, c'est tout. Ah, moi, c'était pas la version disque, justement. C'était ma mère qui m'avait montré pour la première fois sur YouTube, et c'était lors d'un concert. Ah, c'est le concert, ça en parle pas. Ouais. Bien sûr. Et j'ai acheté le DVD depuis. Moi aussi, j'ai le DVD. Bon, Karine... Tu valides ce choix ? Est-ce que ça t'a touché aussi, cette chanson ? Ah oui, oui, allez. Moi, je la trouve magnifique, quoi. Et je pense qu'on entend plus souvent la version plus récente, qui parle peut-être à ceux qui sont moins connaisseurs, et qui est encore un petit peu plus rythmée, je trouve, un petit peu plus... Celle-ci qu'on vient d'écouter, elle est assez ancienne, Ils la rechantent quand ils sont vieux. Ouais. Voilà. Ah, d'accord. C'est ça que j'étais en train de dire. Ah, c'est plus clair. D'accord. Non, mais quand tu disais version plus récente et plus rythmée, j'avais pas compris. C'est... Non, mais pardon, mais toutes voilà. mes confuses. Non. Toutes mes confuses. Ah, mais je. De rien. Mais je suis plus claire, là. Non, c'est moi, t'inquiète. Et du coup, le son qui est derrière est encore plus rythmé, je trouve. Mais après. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, et bien sûr que je valide. Tu préfères la version live plus récente, quoi. Je sais pas si je préfère. J'ai dit que on avait peut-être plus l'habitude d'entendre l'autre. Cherche pas, elle dira pas ce qu'elle aime. Faut la torturer, c'était très compliqué pendant son épisode. Vous l'écouterez bientôt. Mais c'est vrai qu'à l'heure à laquelle on enregistre, là, on n'a pas encore son épisode. Non, on n'a pas encore. Et toi, IJ ? Moi, je suppose que dans ton incroyable optimisme... Étonnant, non ? C'est par pure politesse, hein, t'inquiète pas. Absolument ! Bah voilà, quoi, tout comme les autres. Merci, Non, je t'en prie, vas-y. T'es sûr, hein, parce que... Il te laisse sa parole, parle. Prends ton temps de parole disponible. Peut-être pas après. C'est parti pour un long monologue. Alors oui, tout comme les autres, effectivement, c'est une musique qui est hyper, hyper entraînante, qui met en joie. On est un peu tristoun, on l'entend, on est content. Et puis là, encore une fois, c'est comme I Am A Rock, etc. Même si, comment dire, même si c'est bien plus joyeux, c'est pas surfait, c'est simple, c'est bien, c'est épuré et c'est ce qu'il faut pour que ce soit doux, bien et pas non plus redondant, parce que c'est vrai que c'est une musique qui dure pas du genre un quart d'heure et qui répète 20 fois la même chose, mais c'est une musique qui est hyper bien et qui est hyper sympa aussi à écouter comme ça une fois de temps en temps, même sans écouter les autres, des fois c'est sympa juste de l'écouter elle. Mais ça en plus, je trouve qu'elle représente bien en fait l'aspect du troisième album, parce que celui-là, Feeling Groovy, ça vient du troisième album. Mais c'est dans une ambiance, enfin moi c'est comme ça que je visualise. Ça fait l'album est dans une ambiance assez bucolique au final et assez légère, même s'il y a toujours du sous-texte et des thèmes assez sérieux avec des guillemets, mais c'est-à-dire beaucoup plus profond que ça. Mais moi j'aime beaucoup cet album, c'est très... Ouais. J'aime bien l'écouter justement par exemple au printemps, quand il fait beau, voilà, ça va bien avec la période. Correspond bien au folk qui les caractérise. C'est alors, ça. Par contre, tu vois, c'est marrant parce que moi aussi je trouve qu'il est assez bucolique cet album, mais je me demande si c'est pas la pochette qui fait ça en fait, qu'on pense ça. Ouais. Il y a la pochette qui fait ça, mais il y a aussi... moi après, je sais pas, quand j'entends la musique, je m'imagine, tu sais, c'est genre t'es dans un chemin de terre avec une prairie tout autour, une prairie en fleurs, tout ça. Non, pas un champ de blé, justement, une prairie avec des fleurs, fleurs des champs, etc. Mais c'est franchement, ça fait du bien, ça fait du bien. Et en plus, faut peut-être la décrire la pochette. Ah oui, c'est pas la plus jolie. C'est pas la plus jolie, honnêtement. Non, mais elle est sympa, elle représente. Sympa, bien. Elle est atypique. Il y a des fleurs. Elle est sur fond noir et au premier plan, et eux deux sont derrière avec le texte, avec leur nom et le titre écrit dans une de l'album. Écrit dans une police un peu gothique. Et c'est sympa, ça change. Ouais, médiéval, ouais. Un peu médiéval ou quoi, presque, je trouve. Très calligraphique, ça va être très con ce que je veux dire, mais voilà, quoi, c'est très... Quand on voit l'exemple, justement, d'une écriture calligraphique avec vraiment les lettres qui continuent en cercle, là, ça fait à peu près ça. Et ça change comme pochette, parce que, déjà, sur fond noir, c'est assez rare, et puis de mettre un décor au premier plan et eux derrière, c'est aussi intéressant, je trouve, l'idée est intéressante, mais après c'est clairement pas la plus jolie, je trouve, mais c'est une petite tendresse pour elle, mais d'ailleurs ça de toute façon l'album je le trouve tellement bien que bon, j'excuse la pochette, on va dire, mais non, on va pas dire excusez quand même, ça aurait pu être considéré comme une petite erreur de parcours graphique. Ah ouais, quand même, quoi. C'est d'une époque, quoi. Non, c'est les années 60, dans sa splendeur, quoi, en fait. Oui, mais dans les années... mais tu regardes la pochette de Bookend, la pochette, elle est beaucoup plus jolie. C'est le début un peu du mouvement Flower Power, quoi. Non, c'est... Mais je me demande si en fait c'est pas aussi cet album, il est pas aussi très très anglais, justement, parce qu'ils ont fait tu me dis si je me trompe, mais je crois qu'ils ont fait l'album quand ils ont décidé de se remettre, c'était après The Sound of Silence, le deuxième album, Mais voilà, tu sens que quand même, Paul Simon, il a été une partie en Angleterre, qu'il y a vécu, etc. Il y a un côté assez anglais, assez européen, je trouve, au final. Oui, oui. Un côté un peu ne serait-ce que par le premier titre, de toute façon, le Scarborough Fair. Ah oui, ouais, voilà. Et aussi, on ne l'a pas expliqué, mais comme le côté bucolique aussi de l'album, c'est parce que ça s'appelle Parsley, Sage, Rosemary and Thyme. Donc, c'est tout ce qu'il vous faut en général pour faire de la cuisine. Parsley, Sage, Rosemary and Thyme. Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, c'est persil, sauge, romarin et thym. C'est l'une des plantes. C'est des plantes qui sont citées dans le premier titre, Scarborough Fair. C'est d'ailleurs, je crois que c'est le seul, à part le premier album, c'est peut-être le seul. Où il n'y a pas où le titre de l'album ne soit pas un titre de l'album d'une chanson. C'est ça. Si Wednesday Morning Free AM, il y a la chanson. Ouais. Ah bah alors c'est le seul alors du coup. Bah c'est ouais, vrai, c'est pas le titre, c'est une des paroles de la chanson. Et il y a quand même des sacrés bons titres dans cet album. Oui. Oh oui. Il y a notamment For Emily Whenever I May Find Her. Non, on va faire simple. Il faut écouter l'album. L'album est très bien et qu'il y a notamment cette musique qui est. Oui, il y a tout l'album qui est bien. Ah, c'est il y a tout l'album qui est bien. Moi, pour moi, c'est il y a peut-être une musique que j'aime moins que les autres, mais après il y a honnêtement il y a rien à acheter. Oui, de toute façon. Mais je pense que si je devais faire un classement, ce serait le deuxième que je préfère. Je valide. C'est à ce moment-là en fait que je suis plus personne. Oh, mais non, c'est tellement difficile de vous suivre quand vous parlez de ça parce qu'on ne sait. Le deuxième album. Ok, alors attends, c'est lequel? Je dois me concentrer. Oui, mais c'est pas le celui-là. Premier. Et donc je me dis. Déjà oui. Pour moi qui ouais, c'est pour ça que j'ai voulu préciser encore, j'ai du mal alors j'imagine même pas les gens qui ouais. C'est pour ça que j'ai voulu préciser c'est pour ça qu'on après, voulait pas partir que, dans voilà, des quoi. Détails comme ça technique donc, et je me tais et pour info et toute, tais, la, okay. Toute la liste voilà c'est en fait on donne c'est les titres chronologiques dans chaque album mais dans l'ordre c'est-à-dire le premier titre était du premier les deux suivants étaient du deuxième ça c'est du troisième voilà on va aller alors, comme ça jusqu'au je vous propose cinquième. Quelque chose Musica pour chaque titre, tu vas nous donner le titre en anglais, bien parlé, et tu vas nous redonner le titre de l'album. Il disait si c'est le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le douzième. Ouais, classe. Oh, je fais la speakerine bah, tu, ça tu me veux, rappelle le, la classe. Tu veux rappeler de quel album viennent les précédentes déjà ou pas bah, alors, déjà... Silence, on l'a dit, c'était le premier. Non, c'est après, le deuxième. Chiwi, c'était le troisième. Non. Non, du coup, attends, je vais redire ça au clair. Donc, The Sound of Silence, la version acoustique, je précise, c'est du premier album, donc Wednesday Morning 3 AM. April Call She Will et I Am a Rock, ça vient du deuxième album, donc qui s'appelle The Sound of Silence. C'est pour ça que je précise bien. Feeling Groovy, ça vient de donc Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, donc qui est le troisième album. Sachant qu'ils en ont fait 5, donc on a fait plus de la moitié. Donc, maintenant, on va passer à la chanson suivante qui s'appelle America. Qui se dit... Oui, America. Merci. Et donc, il vient de Bookends. Let us be lovers, we'll marry our fortunes together. Some real estate here in my bag. Alors, je vais me poser une question, j'ai assez peur de la poser. Karine, oui. Pour cette chanson. J'avais fermé les yeux, je l'écoutais, j'étais bien. C'est pour ça que je parle. Oui. On était bien. Ah oui, hein, est-ce que tu es aussi. D'accord avec les autres ou est-ce que tu es contre les autres? J'adore cette chanson. Ah, mais voilà. Elle est trop bien. Alors, pourquoi? Alors déjà, quel album Musica? C'est, comme je l'ai dit juste avant, mais apparemment t'as pas écouté, c'est donc le quatrième album qui est Bookends. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécial cette chanson? To look for a man. C'est pas moi. voilà ce qu'elle a en fait c'était cette chanson. C'était pas moi. Pris 4 chansons pour les bloquer. Mais... Voilà ce qu'elle votre a cette honneur, chanson. Votre honneur, je vous jure, ce n'était pas moi. C'est ça. Mais elle est magnifique. Exactement. Celle d'après, pour moi, ça va être pire. Moi je dis qu'on commence par ouais, on commence par Karine. Pas forcément après, celle d'après il m'a dit. Oui ouais, voilà. Ah bah ça, pas envie. justement pourquoi tu as été d'accord pourquoi tu as été d'accord pour mettre America dans la playlist? Ah mais voilà, il y a pas, enfin elle fait partie des incontournables. Il y a même pas à réfléchir, quoi. Voilà. Tu l'as découverte à un moment particulier de ta vie, celle-là? C'était la première que tu as écoutée d'un album? Ou même pas? Ou alors c'était vraiment un coup de cœur? Ça a mis du temps, ça? J'ai envie de dire une connerie, mais... Bah vas-y, on est là pour moi. C'est au bon endroit. C'est super vieux, je me souviens plus de quand est-ce que j'ai découvert telle chanson ou telle autre, quoi. Quand je me souviens d'avoir écouté un CD, quand même. Ah. Un vinyle. Ouais, c'est déjà pas mal, mais voilà, mais c'est une belle histoire. On sent qu'il y a quelque chose qui est raconté, mais est-ce qu'on a vraiment envie de savoir ou pas? En fait, on a juste envie de l'écouter, c'est superbe. Et puis ce que je trouve génial quand même, c'est que t'as toujours des paroles qui sont tous les mots sont bien formulés, t'as vachement facile de la mémoriser, t'as envie de la chanter super facilement. Et du coup, voilà, c'est entraînant quand t'as fini de l'écouter, tu fais Je veux la remettre. Ah oui, oui, voilà. oui, complètement. C'est ça. Celle-là, je l'ai apprise d'ailleurs, c'est ce que je disais dans le chat de Humble, mais je l'ai apprise, je l'adorais tellement que je l'ai apprise à la guitare, quoi. Bon, à la rythmique, hein, pas les. C'est compliqué à dire pour des gens qui ne connaissent pas, mais la version, on va dire, tu détaches toutes les notes avec les cordes, etc. C'est non, je suis pas allée jusque là, j'ai fait que la rythmique avec le grade, quoi. Mais elle est tellement belle, cette personne. Voilà, c'est un début. Et puis bon, de toute façon, en tout seul, on peut pas faire beaucoup mieux non plus. Mais non, mais elle est tellement belle. Ça raconte vraiment un road trip à travers les États-Unis. C'est ça, la fameuse Cathy d'ailleurs qui revient, très régulièrement dans des compositions de. Ah ouais, bah je pense que ça a été vraiment un amour de jeunesse, c'est assez important pour lui. Comment ça, il revient souvent? Parce qu'en fait, dans Simon & Garfunkel, je crois pas que dans la carrière solo de Paul Simon, mais en tout cas dans Simon & Garfunkel, dans la discographie, il y a trois musiques qui soit contiennent le mot Cathy dedans, soit a une référence à cette fameuse Cathy. Dans America, à un moment, il dit « Cathy, I said », donc Cathy, je disais que blablabla. Et voilà, il y a une chanson qui s'appelle Cathy's Song, donc la chanson de Cathy, et je crois qu'elle revient dans une autre musique. Basiquement. Voilà. Et je crois qu'elle est dans une autre musique, mais je ne me rappelle plus là tout de suite. Oui, j'ai plus, ouais, j'ai plus, ça me revient plus. Voilà, plus, mais elle revient bien dans une autre. C'est. Ouais, il me semble aussi. Mais voilà, et donc Cathy, c'est donc. Quand le groupe s'est séparé parce que le premier album n'avait pas marché, Paul Simon avait, une fois qu'il avait fini ses études, il s'était dit « bon, bah, je vais déménager en Angleterre ». Il a rencontré une jeune fille qui s'appelait Cathy Chitty. Et il y tombait amoureux, c'était vraiment... Voilà. Et comme il composait en même temps, ça, c'était vraiment sa musique. Et je crois qu'il est resté quand même assez longtemps avec elle. Enfin, relativement longtemps. Mais voilà, et donc c'est rigolo en fait. En fait, tu cherches pas où est Charlie, tu cherches où est Cathy, quoi, pour le coup. Tu cherches où est Cathy. C'est ça. Mais. C'est un peu comme Renaud, il avait créé le personnage de Germaine dans ses chansons, des fois elle revenait souvent Germaine. Ah ouais, ça je savais pas. Ouais. C'est marrant. Et ça sonne moins bien quand même. Hein. Ah oui, oui, non, mais ça. D'accord. Oui, non, mais c'est la comparaison, ça s'arrête là. Ouais, oui, oui. J'ai rien dit, bordel de. Ouais. Non, mais je t'ai entendu. Parce que, après, si tu veux parler des amours de Paul Simon, il a été marié avec Carrie Fisher. Oui, oui. Ah bon, ça a duré, oui, ça a duré que 2 ans, je crois. Ouais, un truc comme mais ça. Il s'est tapé Princesse Leila. Il s'est tapé Princesse Leila. Même pas 2 ans, parce que ils sont mariés en 83 et ils sont divorcés en 84. Ah ouais, c'est même pas 2 ans. Même pas 2 ans, ouais. Non, putain. Non, c'est moins. Mais ouais, mais de toute façon, ils ont divorcé, mais je m'en rappelle plus exactement pourquoi. Mais quand elle en parle pas, genre, ouais, c'est une espèce de connard, etc. Non, ils ont l'air en bon terme. Ouais, ils sont restés courtois, en bon terme. Bon, c'est pas non plus les meilleurs amis du monde, mais ils sont restés bien là, tout ça. Mais de toute façon, je crois que il me semble que le divorce a eu lieu parce que voilà, elle est, elle. Et l'autre. Elle, enfin, elle avait des problèmes de drogue, de. Non, l'actrice. Oui, non, oui, oui, non. Ouais. Voilà, elle avait des problèmes d'alcool, de drogue, et elle était bipolaire. Donc, je pense que à la drogue, plus de alcool, ça aide pas quand ça t'es bipolaire. c'est... Mais alors, par contre, pour en revenir du coup au sujet. Oui. Je vais peut-être dire une connerie, mais la nana qu'on voit sur la pochette du premier album solo de Simon, ce serait pas justement Cathy ? Ah, je n'ai aucune idée, tiens, du coup. Je sais même pas, en fait, je me sais plus le nom de son premier album, c'était lequel ? The Paul Simon Songbook, tout bêtement. Ah ouais. Sur la pochette, en fait, tu le vois près d'un cours d'eau, je crois, et puis il y a une nana à côté de lui. Ah, bah c'est peut-être ça. Bah du coup, ça doit être elle. Je chante. Ah ouais, c'est ça. The album cover shows Simon and his then girlfriend Cathy Shitty. Ah, la fameuse Cathy. C'est vrai qu'elle était mignonne en plus, dis donc. Avec mon accent franglais pourri. Ah bah oui, bah c'est ça qui fait le charme. Ouais, à défaut d'autre chose, quoi. Et donc, ouais. Ouais, à défaut d'autre chose, ouais, c'est ça. Vous savez, derrière vos petites phrases, j'ai senti que vous m'en mettiez plein la gueule. Oh, bah, ça a justement, l'air de tu t'en prends plein la gueule. Bah, nouveau titre. Oh, la jolie transition. J'applaudis. J'applaudis, il est fort. Respect. Nouveau titre. Apparemment, je te laisserai la parole magnifique. Après le titre, Iggy. Alors, tu, pour l'instant, chute. Je te repasse la parole après. C'est The Boxer, donc Musica. The Boxer. De l'album. Bridge of a Troubled Water. Merci. Just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. Il y a une chose que vous voyez pas du tout. C'est très drôle, parce que quand j'annonce la chanson, il y a plein de gens qui se mutent dans le mumble, donc à mon avis, ils sont en train de la chanter chez eux. Donc, ah, t'as pas idée, là, j'ai la gueule, là. Je me la... voilà. Mon push to talk. Pourtant, je connais les paroles par cœur aussi, mais... Chute, c'est IJ. Par respect envers le présentateur. C'est son moment, c'est IJ, s'il te plaît. Ah oui, bah vas-y. Non, pas chanter, pas muet. Attends, non, je profite de mon moment pour écouter encore un petit peu. Ah, le moment, tu veux dire celui-là ? Tu n'as pas le droit. Oui. Pardon. Oh non, là, mais, on entend taper derrière. Oh là là, mais c'est énorme. Oh, c'est trop bien. Bon, alors, je vais quand s'il même te plaît, quand même. Parler quand même. Mais, alors, cette musique, je me souviens lors du choix, même si ça a été un choix très difficile, celui-là, je l'avais quand même bien appuyé comme titre parce que. Waouh, quoi. Je pense que c'est la seule chanson au monde qui peut déclarer qu'un homme va au pute et que ça reste exceptionnellement beau. C'est-à-dire que c'est à prendre avec 40 000 guillemets, hein, ce que je suis en train de dire. Hein. Mais comment dire, il dit quand même clairement qu'il y a des femmes qui lui font des avances et que ça lui est arrivé d'accepter quand il était extrêmement seul. Mais la manière dont c'est dit, ça réussit limite à être romantique. C'est énorme. Enfin, c'est magnifique parce que ça réussit à faire passer un truc absolument écœurant qu'est la prostitution en un truc limite mignon. Mais tu vois, c'était tellement. Je disais au début. C'est-à-dire que. Il pourrait dire les pires choses du monde, la fin du monde, l'Holocauste, ça passerait très bien. Bah, excuse-moi, je t'ai coupé musique. Non, c'est ce que je voulais dire. Bah, tu vois, c'était tellement bien dit, tout ça, que je connais les paroles par cœur. Hein. Je n'ai jamais capté qu'il parlait de prostitution. Ah, bah si, ah non, je n'ai jamais capté. Jamais, jamais réfléchi. W-H-O-R-E. Pardon ? J'ai pas entendu. W-H-O-R-E. En 3. Mais non, mais dans quel passage, je ne me rappelle pas. Oh, oui, putain, oui. J'avais jamais fait le parallèle. Troisième couplet. Oui, en effet. Seulement un viens chéri des salopes du, de la station. Tu te commandes from the walls on 7th Avenue, ouais, je m'appelle. Ouais. C'est, généralement, c'est pour... Généralement, c'est pour ça que à ce moment-là, dans les versions live, les gens, ils sifflent. Ben, ah ouais, tu sais, les sifflets... Bah, ah putain, non, mais j'ai jamais capté ça. Tu sais, les sifflets du genre... Ouais, ouais. You, tu vois, ouais. Oui, oui. Ah ouais, non, en effet, c'était, non, c'était mais... explicite, mais je crois que c'était... Ah, j'avais appris les paroles. Ah, c'est très explicite. Ouais, mais j'avais appris les paroles, en fait, avant de savoir ce que, à quoi ça correspondait. Et donc après, comme quand je chante de tête, forcément, et j'ai jamais pensé que c'est à ce mot-là. Mais après, mais c'est ça... Surtout... Ouais. Oui, vas-y. Vas-y, je t'en prie. Non mais je voulais dire que bon le truc des putes bon c'est un détail de la chanson oui, parce que ah bon, oui évidemment donc en plus bon replaçons dans le contexte encore on est en 69 la prostitution était plus comment dire non, de toute façon je vais pas le défendre mais plus accepté quoi on va dire. Ben, l'industrie du sexe, on va dire, était plus acceptée pour le coup, ouais. C'est, quand tu vois même que tu pouvais voir des pornos au cinéma facilement et tout oui, ça. Oui, voilà, donc c'était la libération sexuelle la plus complète, donc tout le monde s'en foutait. Voilà. C'était normal d'aller aux putes. On allait aux putes comme on allait au supermarché. C'était ça. Tiens, je vais à la boulangerie et toi, chérie, au pute. Ah, mais c'est donc, ça. Cette émission va te passer plus 18 plus. Merci. Non mais des fois quand t'écoutes des interviews de mecs âgés, même en France, hein, t'écoutes Jean-Pierre Coff ou Pierre Belmar quand ils te parlent des putes, généralement ils te disent ouais, c'est des trucs super sympas, on allait boire des coups avec elles et tout. Oui, ils parlent toujours dans les bordels et compagnie. Voilà, dans les bordels, tout ça, les trucs comme ça. Ça n'a pas aidé les interdire en France. Je sais pas où c'était. Mais en fait, la chanson, elle est quand même en partie un peu autobiographique. Ça parle du début de carrière un peu de Paul Simon, même s'il l'avoue pas complètement dans la chanson, mais c'est un peu ce qu'il a vécu. Quoi. C'est aussi un... Ouais, c'est ses galères. Voilà. Oui, c'est galères. C'est un gars qui essaie de partir chez lui pour vivre son rêve et puis qu'au final... Bah il galère, il a pas de thunes, il a pas de job. Mais c'est aussi... Il est seul. Ouais. Et il voit ce boxeur là qui continue à se battre alors qu'il a pris des millions relève, pendant oui. toute sa vie ouais, et qui continue à se relever. Ouais. C'est ça. Et ça m'inspire. Voilà. Mais je pense que, enfin moi c'est marrant que vous l'interprétiez comme ça que ça parle vraiment du début de carrière de Paul Simon. Bon, bah, quand il a fait la chanson évidemment il était bien. Mais moi je l'avais pas du tout interprété comme ça. Enfin pas du tout. C'est-à-dire moi je le voyais vraiment c'est plus comment dire. Un immigré qui s'installe aux États-Unis mais qui rame quoi, ou alors c'est quelqu'un qui veut s'installer dans la campagne profonde américaine, qui s'installe dans la grande ville quoi, mais je trouve c'est un écho intéressant avec les deux au final, avec Paul Simon et Art Garfunkel, parce que c'était des gens qui viennent tous les deux de familles d'immigrés d'Europe de l'Est et ce qui est encore plus vrai pour Paul Simon parce que je crois que c'est le premier enfant du couple à être né aux États-Unis quoi directement et ses parents enfin voilà quoi, c'était vraiment des familles d'immigrés juifs pour les deux et c'est moi j'avais plus pensé à ça du coup quand j'avais entendu la musique et c'était plus pas forcément sur voilà l'immigration juive etc mais c'est plus voilà c'est je suis nouveau dans la vie il faut que je me fasse un trou et puis voilà je pars voilà j'avais pas de relié directement en fait à son début de carrière du coup c'est assez drôle mais c'est bien du coup parce qu'on peut l'interpréter un peu de ah plusieurs oui, façons c'est, différentes c'est assez universel clairement. Pour le coup c'est très universel je pense mais il a plus ou moins avoué que c'était il l'a jamais vraiment dit explicitement mais Il l'a sous-entendu voilà il l'a vachement sous-entendu que ça parlait de ses débuts quoi vite fait ah oui je vois bah, en même temps c'est vrai c'est compliqué hein. À partir du moment où tu veux vivre de la musique quand t'avais pas internet hein, il fallait ouais, te démerder c'est ça ouais. Mais au début, il n'en était pas content de la chanson. Surtout pour le refrain. Ouais, c'est ça, ouais, le refrain. Parce qu'au début, il avait balancé les la la la la la la la. Donc, généralement, tout le monde les connaît. Hein, c'est la la la. Même Enrico Macias. Ouais, même Enrico Macias. Ah non, mais s'il vous plaît, pas Enrico Macias là-dedans, non, s'il vous plaît. Et Michel Sardou. Non, non, un peu de standing, s'il vous plaît. Un peu de standing, s'il vous plaît. On parlait d'un groupe bien. Ouais. Mais au début, il avait balancé ça en attendant de trouver un truc pour le refrain. Et finalement, il n'a jamais trouvé la phrase. Il n'a jamais trouvé de phrase valable pour le refrain. C'est beau ça. Et il a vu que ça plaisait aux gens, le la-la-la. Du coup, il l'a laissé. Ça s'intègre bien en plus dans la musique au final. Ouais. Parce que c'est universel dans le fond. C'est oui. Tout le monde le comprend, l'œil. Bah ça oui, ça c'est. Tu sois québécois ou que tu sois rousse, tu le comprends. Oh là là, ça, là c'est là parfait. Rousse. Oui, cet accent est pourri, je m'en fous. Il que est tu sois tard. Rousse. Voilà. Cet accent était sponsorisé par Laurent Gérard. Les rousses, les blonds, les bruns. Oui, non mais voilà, c'est vrai qu'elle est très belle, mais celle-là justement sur la galère quoi. C'est vraiment la galère plus et dure et le côté impitoyable de la ville aussi. Hein. Et les Laï Laï Laï, pour l'anecdote, ils ont été enregistrés dans une église. Ah ouais, ouais. Oh, la batterie, parce que quand j'ai acheté l'édition de luxe de l'album, il y avait On a fait, j'ai trois versions de luxe de chaque CD, hein, au cas où. Hein. Non, mais ça a tellement été un coup de cœur, je me suis lancé, quoi. D'ailleurs, Simon Garfunkel ont enregistré chez moi. J'ai encore leur empreinte par terre sur mon paillasson. J'ai pas lavé le sol depuis donc 50 ans. Hein, voyons, le périmètre, tu sais, autour de la trace de pas. Non, mais, là, c'est, attends, je vais juste revoir le vieux copain demain, c'est tout. Oui, parce que monsieur va voir Garfunkel en concert à Paris et c'est monsieur n'est pas du même niveau que les petites s'il gens, vous plaît, n'est-ce pas ? Laissez les vengeances personnelles en dehors de ce podcast, on est là pour faire découvrir des non, gens. Non, je ne dis pas je ne fais pas une vengeance personnelle, je précise juste pour les auditeurs pourquoi j'y réagis comme ça et pourquoi je trouve que monsieur se la pète un peu, voilà. Et bien sûr, il n'y a que Iggy qui a réagi, hein. Musica, absolument. Non, non, j'ai juste dit que monsieur était un prétentieux. Mais non, non, c'est pas pareil. Moi, si on ne me lance pas sur le sujet, je ne dis rien. Donc, c'est vrai. Bon, ouais. Tout le monde se calme. Mais, on passe à la suivante. Ouais. Alors, vas-y, termine. Je voulais, pour finir, on demandera quand même son avis à Karine aussi, parce qu'elle ne l'a pas donné sur la chanson. Oui, la pauvre. Mais elle est extrêmement discrète depuis le elle départ. Est extrêmement discrète. J'ose pas l'interrompre. Non, elle est. Non, non, non, non, non. En fait, moi, c'était le moment de Iggy, donc je me suis dit, je me tais, je lui laisse. Je dis rien. Oh, c'est mignon, ça me fait vomir. D'accord. Il n'y avait pas de petit chat. Ah, tu vois, on offre du temps de parole et on se fait refouler. C'est rien. Ouais. Mais moi, ça me fait plaisir de me taire, d'écouter les gens. J'aime bien aussi, des fois. Ça me rappelle 1%, ça, d'ailleurs. Que j'ai écouté juste avant, d'ailleurs. Pour la dernière petite anecdote, du coup, la batterie qu'on entend justement au moment des Laï Laï Laï, ils ont été enregistrés dans le studio juste en face de la porte d'ascenseur. Parce que ça fait réverb quand même. Ouais, parce que c'est ça, c'était les faire chercher, c'était d'avoir de la réverb à mort. Et ils racontaient qu'à un moment donné, il y a un vieux monsieur qui, je crois que c'était un électricien ou une connerie comme ça, qui avait pris l'ascenseur et puis il s'est retrouvé à l'étage, la porte s'est ouverte et puis il s'est retrouvé devant un mec qui tapait sur la batterie. J'ai cru que t'allais dire l'enregistrement a été fait en face de chez moi. J'ai vraiment cru que t'allais le dire. Non, non. D'ailleurs, j'ai reconstitué l'ascenseur juste en face de chez moi. Non, mais je me suis rendu compte qu'il y a une des musiques que Paul Simon a composées qui est pas loin de Manchester, donc là où j'habite. Et franchement, j'ai envie d'y aller. Non mais ça va là. Je t'ai fait des propositions, non, voilà. Elle lui a fait des propositions. Mais je peux pas. Ouais, ce que tu vas faire toi demain, espèce de connard. Pardon, excuse-moi, ça m'a échappé. Bon, allez, doucement, maintenant on passe à la suite quand même. Hein. Oui, quand même. Parce que là, on a fait 6 morceaux de Simon Garfunkel et là on va attaquer un morceau de Paul Simon. Et apparemment, c'est Musica qui l'a choisi. Oui. Alors, qu'est-ce que ça est ? 50 Ways to Love Your Lover. Pour l'album. Alors, je ne m'en rappelle absolument plus. Je crois que c'est. Still Crazy After All These Years. Ah oui, Still Crazy After All These Years. Baby. Ouais, c'est vrai. Il a en version originale, en vinyle, doré, bien sûr. Non, non. Non, non. Doré, mais hein. S'il vous plaît, c'est pas parce que je vais le voir en concert que tout de suite je vais me la péter sur plein de trucs. Non, non, non. C'est... Non, c'est pas vrai, tu vas pas voir Simon en concert. Tu vas voir Garfunkel. Thank you. Est-ce qu'il liste vraiment les 50 façons? On les a pas listés encore. Bon, il liste jamais complètement, de toute façon, parce que 50, ça ferait un peu beaucoup pour une musique. Mais non, mais ça c'est pareil, j'avais entendu une reprise avant, j'avais pas capté que c'était lui, et quand le jour où j'ai vu c'est 50 Ways to Live in Lover, Paul Simon. Mon dieu, faut que j'écoute ça. Et après c'était, oh putain, c'est tellement beau. D'ailleurs, pour la même chose. C'est ça. Mais non, mais quand vraiment j'avais découvert Simon Garfunkel, après j'ai bouffé tous les albums et je suis énormément renseignée sur les carrières des uns et des autres. Je connais pas toutes les musiques, etc. Mais j'en connais même assez peu au final. Mais je suis assez documentée sur eux. Mais celle-là, elle est. Je sais pas, c'est la musique, je la trouve top, et en particulier l'intro, elle est belle, quoi. C'est avec cette batterie et cette guitare là. C'est quand même vachement plus dansant, on va dire plus folk, plus, je peux pas dire country non plus, mais il y a un peu plus de pêche dans les paroles. Et encore, il y a un peu plus de pêche dans les paroles, mais c'est surtout j'aime bien le découpage qu'on lui fait, c'est-à-dire que t'as tous les couplets qui sont assez posé et calme, et le refrain est beaucoup plus dansant. C'est ça, j'aime bien. Et puis même, c'est l'histoire aussi. De toute façon, c'est vraiment Paul Simon, un vrai talent de compositeur, soit pour la musique, même de parolier, je trouve. Mais je sais pas, la musique, les paroles, pardon, elles sont simples, mais ça avait vraiment beaucoup de sens, je trouve. Ouais. C'est celle que je préfère d'ailleurs de Paul Simon en solo, quoi. Les paroles, elles sont simples et en même temps, moi, je, quand j'entends ça, je me dis toujours, est-ce que c'est vraiment si simple que ça, ou est-ce qu'il y a une autre, idée cachée là-dessous? Est-ce la façon dont il parle de tout simplement quitter sa copine ou je sais pas quoi, un truc comme ça, est-ce qu'il y a pas quelque chose derrière? Moi j'aime bien me torturer des fois sur ça. Moi j'adore ça, en plus j'ai fait des études un peu littéraires, donc quand on te donnait un texte, c'était vous avez le texte, maintenant vous cherchez tout ce qu'il y a derrière le truc. Voilà, des fois c'est presque la virgule qui te fait changer toute la structure de la phrase et qui te fait changer tout le truc. Donc mais ouais, j'aime bien ça aussi. Et j'ai dit que c'était simple, mais pas du tout que c'était simpliste ou facile. C'est un texte peut-être simple, avoir une construction simple, etc. Mais avoir énormément de sous-textes derrière, quoi. C'est ça qui est beau au final. Si je dis pas de conneries, il me semble qu'il la trompe du coup à la fin sa copine déjà avant de vraiment rompre, il la trompe avec la nana avec qui il en parle. C'est-à-dire. L'histoire, c'est vraiment, c'est le mec qui veut partir, il veut quitter sa copine, il sait pas comment faire. Et là, il y a une nana qui, je sais pas, c'est genre une amie, etc., qui lui dit, en fait, elle lui donne des conseils et il dit notamment avec les. Elle lui dit, en gros, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, t'as 50 manières pour le faire. Si t'as vraiment envie, fais-le. Ouais, hein. Voilà. Et tu trouveras bien une raison. Et lui, quoi. Il se torture un peu l'esprit, etc. Et dans le dernier couplet, Enfin, il me semble bien que oui, justement, il couche avec cet ami en question et qui lui dit quand même, vas-y maintenant, quitte-la, quoi. C'est pas compliqué, tu y vas, point barre. Mmh. Et c'est vrai que, en plus, c'est bien amené, je trouve. On s'attend pas forcément à ce genre de retournement de situation dans le texte, qui est très court d'ailleurs, vu que la musique est. Surtout quand on est français. C'est vrai. Et pour info, Yann, je l'ai vu complètement par hasard sur YouTube, mais il y avait le Muppet Show qui avait fait dans les années 70-80, hein, faut pas exagérer, mais ça date un peu, mais ils avaient fait une excellente reprise, le Muppet Show de 50 Ways to Live in Lover, je la trouve assez drôle et vraiment sympa. Et d'ailleurs, Paul Simon a été dans le Muppet Show en tant qu'invité, ouais, Il y en a eu qui sont allés au Muppet Show, ouais. Bien sûr. Et ils en ont fait des reprises aussi. Ah oui, ils en ont fait plein là, mais celle-là, celle-là, elle date bien. Mais même je trouve assez drôle, je trouve pas mal dans son genre cette reprise là. Puis même, faudrait que je regarde tout l'épisode où il était invité. C'est tellement cool. L'introduction, en tout cas, elle est très drôle. c'est plutôt pas mal, quoi. On peut rendre hommage, mine de rien, quand même, à Michel Delpech aussi. Ah, parce oui. qu'il a fait une reprise aussi de cette chanson oh, oui française. Oh putain, j'avais oublié. Mais que oui. Sauf que lui, il est passé de 50 à 30 manières de quitter une vie. Ah ouais, ben ça c'est le nombre. Je pense que c'est pour le nombre de pieds dans la musique. Ouais, bah oui, ça rendait mieux, oui. Oui, voilà. Après, c'est pas la meilleure version qui soit, non, je trouve. Non, c'est mais... sûr, mais c'est juste pour placer le petit hommage. Ouais, et puis bon, il faut reconnaître qu'il a eu, l'effort de la traduire et de respecter à peu près en plus l'histoire de base. Ah oui, je crois que ça respecte presque mot pour mot, en fait. Quoi. Voilà, parce que là, on va pas parler de la version de Sound of Silence par Gérard Lenormand qui, du coup, je pense qu'il a été obligé de changer complètement l'histoire, mais... déjà elle est vachement moins bien, même s'il a eu l'effort de la traduire. Ça a donné « Savez-vous planter des choux ?» Dommage. « Savez-vous planter des choux ?» L'origine de « Savez-vous planter des choux ?» c'est « Sound of Silence ».« Savez-vous planter les choux ?» À la mode de chez nous. Ça passe bien, ouais, t'as raison. Ah ouais, ça fait bien. C'est bien. Mais donc, du coup, ouais, une super chanson de Paul Simon en solo. Oui. Au milieu des années 70. Et le refrain est très bien. Oui. Avec la petite rime et ouais. C'est à une hyper époque sympa. Où à une époque où il portait les cheveux longs et la moustache. Ça, je dis moins oui, ça, tu vois, pour le coup. Hein. Enfin, surtout pour la moustache. Une erreur de genre. Voilà, c'est une erreur de parcours, là, cette moustache-là. Il était plus aussi jeune. Ouais, mais bon, il avait pas l'âge qu'il a maintenant, quoi. C'est voilà. Ouais, et il aura pas. Et aujourd'hui, il a pas l'âge qu'il aura demain. Exactement. C'est une logique implacable. Bon, on va y aller quand même. Ouais, vas-y. Donc toujours de Paul Simon, pardon. Donc c'est Iggy qui l'a choisi. Paranoia Blues. Sur quel album? Alors celui-là, il doit être. Bah, c'est pas sur un album qu'il a du même nom. C'est pas l'album qui s'appelle Paul Simon, justement, non? Il me semble que... Attends, il me semble que si, oui. Il me semble, hein. J'ai un gros doute, là, tout de suite, bah, mais oui, il me semble que l'album s'appelle Paul Simon. Tu me mets le doute aussi, mais vu oui. Que la pochette, oui, c'est ça, c'est Paul Simon. Oui, c'est Paul Simon. C'est Paul ça, Simon. Hein. Exactement. Merci. Donc, voilà. Et avec la capuche. Donc, Paranoia Blues, sur l'album Paul Simon, de bah, Paul Simon, quoi. I got some so-called friends. They'll smile right to my face. But when my back is turned, they'd like to stick it to me, yes they would. Oh no, no. Pourquoi paradis? Oh no. Alors en fait, sur la fin, quand on essayait justement de réussir à diviser les morceaux qui restaient entre Paul Simon et Art Garfunkel, et donc sur la fin, on voulait quand même faire deux et deux pour chacun. Et justement, on a trouvé que Paranoia Blues était quand même assez, comment dire... Mais justement, tu vois, elle change de l'ordinaire, même toi tu l'as dit dès le début. Ça change et c'est beaucoup... Enfin, même le style change, même s'il a toujours la même voix, etc. Le style change et on trouvait ça assez intéressant de le mettre dans la playlist parce qu'encore une fois, c'est pour faire découvrir, etc. Et ça nous permet de montrer un petit peu toutes les facettes de l'album et des chanteurs. Ouais, mais c'est, en plus, c'est quelqu'un qui est très varié, je trouve, dans ses inspirations. Il a fait un album Graceland qu'il a fait en Afrique du Sud et t'as des titres qui sont très, très marqués, musique africaine, etc. Et c'est franchement, c'est cool. Des fois, il touche au jazz, etc. C'est vrai, ça montre bien. Paranoia Blues. Ça montre bien. Bah, le titre est bien choisi pour le coup. Ah ouais. Pourquoi ? Elle parle de quoi cette chanson ? Je la connais pas tant que ça, plus que toi, à mon avis. Mais c'est, ben, en gros, c'est justement l'histoire de. Enfin, pour moi, c'est encore une fois, c'est Paul Simon qui recose et il dit justement un petit peu, il raconte son road trip, on va dire, à travers justement les différentes étapes qu'il a pu faire, etc. Ouais, c'est... Wow. Non, mais non, ça a l'air d'être ça. Parce que, en gros, il raconte que il a été donc à New York, il a été à JFK, il a fait Chinatown, etc. Sur la fin, c'est ça. Je crois qu'il me semble justement que ça doit être le dernier couplet qui dit je suis allé à Chinatown, j'ai voyagé, j'ai mangé ça, etc. J'ai pu visiter. Enfin, en gros, voilà, il raconte un petit peu sur le trip. Et c'est surtout intéressant parce qu'il dit quand même, enfin, comment dire, il raconte, mais encore une fois avec le style accordé. Il raconte pas sur une musique, on va dire, plus commune et dans laquelle on l'attendrait. Ah, ça, je connaissais pas les paroles, donc j'ai. C'est donc, pas la plus connue, oui. C'est pas la plus connue, mais là, en plus, je vois, mais c'est un peu, en plus, avec Paranoia Blues, le titre, là, tout ça, c'est un peu. C'est un hommage un peu. La musique américaine bien rurale, tout ça, mais c'est aussi peut-être à New York aussi, parce qu'il dit JFK, New York City, Chinatown, tout ça, c'est vraiment c'est un peu le côté cosmopolite de New York, quoi. C'est un peu ça, c'est je voyage, mais... Ouais, et puis il raconte vraiment son ressenti, parce que justement, quand il dit I fly into JFK, il dit après mon cœur a fait boum boum boum boum. Enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est t'as l'impression limite de voyager avec lui dans ce qu'il fait. Ouais. Et c'est hyper sympa. Mais tu vois, quand tu dis qu'il fait un road trip, je me demande si au final c'est pas vraiment un road trip. C'est-à-dire, il est juste dans New York. Hein. Il part pas une fois de New York. Ouais. Il dit j'ai. Alors après, il faudrait vraiment faire. Il fait un road trip dans les rues de New York. Quoi. I fly into JFK. Ouais, moi, mais c'est plus comme ça. Ouais, mais I fly into JFK. Ouais, je pense que c'est plutôt. C'est. J'ai. Enfin après, il veut faire l'image aussi parce que voilà, il part de l'aéroport. Mais non, mais je veux dire voilà, c'est-à-dire il a été du côté de l'aéroport de JFK, il a été à Chinatown, etc. C'est vraiment comme quoi en fait tu vois dans cette ville tu voyages, sachant qu'ils sont tous les deux Paul Simon et Art Garfunkel sont tous les deux New-Yorkais. C'est vraiment à New York tu peux voyager, mais en restant dans la même ville qui est immense, mais voilà, bah oui. C'est assez rigolo au final. C'est très cosmopolite, apparemment. J'ai pas vu. Je peux pas vous dire. Et toi, Karine, tu la connaissais cette chanson ? Non, pas vraiment. Merci, Karine. Voilà. Moi non plus, je tiens à dire que je la connaissais pas vraiment non plus. Je me suis dit pourvu qu'il m'oublie. Vous avez compris, Karine est vraiment une pipelette ce soir. C'est incroyable, on ne l'arrête pas du tout. Mais j'ai pas l'impression. Mais c'est sérieux ? Moi, j'ai pas l'impression de rien. Oui, mais c'est comparé à d'autres. Ouais, tu voudrais que je te raconte quoi ? Tu veux que je te raconte quoi ? Mais non, j'ai pas. Je le prends très mal. J'ai pas dit tu toi. J'ai pas dit forcément toi, Iji. Tu te calmes. Je me sens à peine visée. Bon, merci. Tu viens, Fox. On va faire un foot. On va. Ah non, non, je joue pas au foot. On fait un rugby ou rien du tout. Oh, on va faire un Rocket League. On reconnaît les vrais. Non, mais d'accord. Cette chanson, tu vois, bien que moi-même j'ai l'album, je m'en souvenais moyennement. Hein, donc, c'est pas la première qui vient en tête quand on pense à sa carrière solo, en fait. Non, parce que c'est pas la mélodie dont on a l'habitude. C'est vrai. Oui. C'est pas le style dont on a l'habitude. Et je pense qu'il faut déjà connaître ce qui est le plus commun, ce qui est le plus courant pour pouvoir avoir envie d'écouter celle-là. Et en fait, ça fait du bien de les entendre dans un autre registre, même si bon, ça reste eux, oui, quoi. Oui. Mais c'est intéressant de savoir qu'ils peuvent faire aussi autre chose. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a retenue. C'était parce qu'elle changeait, parce qu'on trouvait qu'elle allait montrer un peu une autre facette et montrer qu'il n'était pas cantonné que dans la douceur, dans la subtilité, etc. T'as aussi, oui, voilà, c'était pour montrer un autre visage un petit peu. Et puis, c'est justement, moi je m'en souvenais plus trop, enfin, c'était pas la première non plus qui m'est venue en tête, mais quand on en cherchait justement, enfin, quand on cherchait les différents titres pour Paul Simon, on s'est à peu près tout retapé. Mal échangé, voilà, absolument, c'est à peu près tout retapé. C'est vrai. Et vous dire, c'est complètement ça. Et voilà, quoi, celle-là, elle nous a paru justement assez atypique, et du coup, on a gardé celle-là. Ouais, voilà. Vous avez pas idée à quel point c'était dur de choisir. C'était très. Ah oui, tu peux le répéter encore. Désolée. S'il te plaît. C'était très dur de choisir. On a dû commencer à 8h ou 9h le premier soir. Ça a fini à 2h du mat. Non, ça s'est fini à 2h du mat, et il y en a qui sont partis quand même plus tôt parce qu'ils devaient se lever tôt le lendemain. Mais c'est allé super. Il y a eu des abandons parfois. Le deuxième soir, ça a été la même. Le deuxième soir, ça a été la même. Complètement. Par nécessité physique. C'est ça. Donc j'en profite pour m'excuser publiquement pour avoir été chiante en ne voulant pas enlever certains morceaux, etc. Ouf, c'était non, dur pour tout le monde, t'en fais pas. Non, chiante n'est pas un qualificatif qui va avec toi. Pardon, extrêmement emmerdante, tu préfères ? Oui, voilà. C'est beau l'amour. Pas le... C'est ça. Tu parles. Oh mon Dieu. C'est mignon. Bon, et bah... Tiens, Gigi, tu vas garder la parole, mais pas trop longtemps, s'il te plaît, parce qu'il faut voir un petit peu combien qu'on avance et il serait temps de passer à autre chose. Mais fini pour Paul Simon. Maintenant, on va voir Art Garfunkel. Apparemment, 9e piste, Watermark. Si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Mika. C'est ça, Watermark. Ah, voilà. Alors, je savais pas si je sur le sur l'album bien, du même nom, hein, si tu veux. Ça, c'est pas compliqué, t'inquiète. Si tu veux le détail. How delicate the tracery of her fine lines, like the moonlight laced tops of evening pines, like a song half heard through a closed door, like a notebook when you cannot read the writing anymore. Alors, je regarde la liste. Je vois que pour les chansons solo, Musica a choisi, Iggy a choisi, Fox a choisi, Iggy a choisi. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est fait gruger dans l'histoire. Non, pas du tout. Et quelqu'un d'autre qui a choisi deux fois. Non, c'était pas pour ça. Là, pour ma défense, je ne suis pas si méchante que ça. Non, du tout. On n'a pas fait comme ça. Ouais, vas-y. Mais pour info, c'était, on avait, en fait, pour les carrières solo, tout ça, on avait plusieurs propositions. Tout écouter et c'est de 4 tranchées en fait. Ouais, bon, ça on va mettre celle-là pour Paul Simon et celle-là pour Garfunkel, etc. C'est Karen qui a tranché. Ah, ça me rassure. Non, mais écoute, il y avait au moins 4 grandes parties et dans les 4 grandes parties, ils avaient choisi au moins 10 chansons de chaque, quoi. Donc il y a eu un moment où j'ai dit ok, il faut que quelqu'un s'en mêle. Exactement. Et je pense que j'étais la seule à avoir le moins de cœur. Donc j'ai tranché. Je pense que c'est la maman qui parle et c'est elle qui tranche. Non, qui dit, vous faites chier, bon, on prend ça et puis je me casse. Mais maman, elle a eu raison voilà, mais de choisir. Je dirais, bon, de toute façon, ça a complètement procédé par élimination, hein, le truc. Hein. Ah oui. Et tu vois, je vous ai aidé à trancher, je ne vous ai pas demandé, je ne vous ai pas imposé, mais je suis contente en fait qu'il soit passé dans notre sélection des chansons que je connaissais très peu. Mmh. Mmh. Surtout celle-là. Oui, voilà. Vous voyez comment elle manipule son monde finalement. Moi ? Non. C'est méchant. Ça c'est le talent d'une maman, ça vous pouvez. C'est que les mamans qui fixent ça. Donc en fait le nom que tu as entre parenthèses à côté des chansons, c'est la chanson que c'est la personne qui a proposé la chanson, c'est tout. Ça va pas plus loin en fait. C'est pas la personne qui a choisi. Ouais, voilà, c'est non. Ça. Non, là je me désolidarise de cette idée que je suis la grande sorcière. Ça peut être vrai, mais là en l'occurrence non, parce que voilà, en fait on en avait même choisi plus d'un. Et pour se souvenir de qui avait dit quoi, on avait mis notre nom entre parenthèses. Ouais. Mais c'est pas du tout qui a choisi au final, qui a imposé son choix. Oui. Et on s'est jamais dit deux toi. Ah oui, deux... Non, en fait, on est parti comme ça compris. Vraiment. Revenons sur la chanson. Ouais, maintenant qu'elle est finie. Revenons sur la chanson. Voilà. Watermark, pourquoi ? Et surtout, chanson seule de Art Garfunkel. C'est pas sa toute première seule. C'est la première chanson solo que vous avez choisie. Pas sa première chanson qu'il ait faite solo. Pourquoi celle-là ? Vas-y. Justement, quand on faisait le tri entre toutes les chansons qu'on avait sélectionnées, donc chacun écoutait un petit peu les musiques qu'avaient choisies les autres, et celle-là n'était pas connue par tout le monde. Et c'était intéressant parce que même si elle n'était pas très connue, à la première écoute, ça leur avait bien plu. Je confirme, et ça m'avait bien plu à la première écoute. Ça devait faire ma centième écoute, moi, donc déjà. Donc ça t'a toujours autant plus, hein, ça t'a fait que confirmer. Ouais, c'est ça. Mais donc voilà, concrètement, ça, l'idée en fait que ça ait plu dès la première écoute, c'était assez intéressant. Et encore une fois, Garfunkel a, bah, de toute façon, ça on pourra le répéter à chaque fois, Garfunkel il a une voix absolument magnifique. Et cette chanson là est douce encore une fois, mais change un petit peu quand même. Enfin, c'est un tout qui a fait qu'on a posé notre choix final sur celle-ci. Et ça a été unanime pour une fois. Ben non, ensemble ça a été unanime quand même, ouais, les choix, tout ça, c'est... Mais ouais, pour presque toutes, enfin, moi même toutes, ouais, je crois. Il y a eu des choix plus ou moins difficiles à faire, etc. Forcément, il y a des musiques qui ont été sacrifiées, etc. Mais après, on était tous d'accord, on les aime tous, toutes les musiques qu'on a là, c'est parce qu'on les a aimées, et on les a... Tout le monde les a aimés là. Donc, en fait, ça n'a pas été, voilà. Ça n'a pas été difficile de choisir, ça a été difficile d'éliminer. C'est ça. Oui. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Parce que c'est clairement ce qu'on a fait. On n'a pas dit, eh tiens, si on mettait celle-là, on a mis 100, enfin, j'exagère peut-être, mais au moins une trentaine de chansons. Oui. Et de oui, là, je pense. Ouais, une bonne trentaine. On les avait largement. Ouais, ouais. Et de là, on a dit, bon, ben maintenant, voilà, faut trier. Et donc, on a trié, par exemple, justement, en se disant, donc, on va faire, il faut qu'on place tous les albums. Ça, il n'y a pas eu de souci. On avait au moins une musique de chaque album. Du duo. Mais après, donc, on a du duo. C'était dur pour la carrière des deux. Là, enfin, en tant que groupe, c'était dur à choisir. Oui, c'était pas évident. Et oui, de là, on s'est dit, bon, ben là, on a 4 chansons de cet album, ça fait beaucoup trop, du coup, faut qu'on en sacrifie 2 ou 3, etc. Et j'utilise avec pleine connaissance le terme sacrifier parce que c'était clairement ça. Hein, c'est... Il y en a qui ont souffert, un peu tout le monde d'ailleurs. Ouais. A versé des larmes. Absolument. C'est ça. Elle suppliait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'elle suppliait, ouais. Je n'ai jamais vu. Mais... Ah, j'avais des scrupules. Ah, oui, oui. D'habitude, j'ai pas de. Tu vois, j'ai pas de trop. Je prends mon cœur, je le mets à côté, je vois, c'est bon, on s'en fout. Mais non, mais là, tu vois, vraiment, ça me brisait le cœur presque à chaque fois que. Ouais. Oh, je les mets. C'est des chansons qui tenaient à cœur. C'est en fait. Ça. Mais ouais. Par contre, je n'ai jamais vu une utilisation aussi abusive du mot Joker. Oui. Ça c'est vrai. Non, c'est à dire que voilà. Il y a pas que moi qui l'utilise. J'ai pas dit qu'il y avait que toi. De toute façon, j'ai pas dit toi. J'ai dit une utilisation abusive du mot Joker. J'ai pas dit que c'était toi. T'as été responsable de 95% de son utilisation. Bon, c'est vrai, mais je n'avais pas dit que c'était spécialement d'elle. Mais c'était très compliqué d'ailleurs. Et en mettre que 14 au final, c'est un crève-cœur. Oui, alors ce chiffre, on en parlera après. Mais, Merci, Marou. Mais donc, ouais, une Watermark, j'aimerais revenir un petit peu sur la chanson. Oui, pardon. Parce que depuis le début, vous me parlez des paroles très belles, des musiques jolies, mais Watermark, ça raconte quoi? C'est quoi? Ça veut dire, ça veut dire filigrane? Ouf, ça je t'avoue que je sais pas trop en fait ce que ça veut dire en anglais, c'est un watermark, je sais ce que c'est pour les copyrights, etc. Mais attends, je vérifie, ou ben ouais, je traduis comme ça. Filigrane, une marque d'eau, une petite... Je sais pas s'il y a un équivalent en français, en fait. C'est la marque, ils le traduisent à peu près comme ça. Oui, non, mais... Non, c'est watermark, c'est Waterman. C'est vrai, Waterman. C'est Waterman. Exactement. Mais tiens, je vais voir d'ailleurs vite fait en fait ce que... Non, c'est filigrane, il me semble que la traduction. Filigrane, grane, grane. Filigrane. Alors si je dis grane, ce qui si veut je dire pas de quoi bêtises, ça raconte, alors, ça raconte l'histoire d'un, une histoire d'amour, hein, si je dis pas de bêtises, mais comme c'est étonnant. Ah, ça alors. Oh, pardon. Alors, selon Wikipédia, un filigrane est un dessin qui apparaît sur certains papiers quand on les regarde par transparence. Voilà. Ouais. Oh. Eh ben, vous dites filigrane ? Avec un N. Ouais. J'entends mal. Ouais, avec un N. Bah, moi, je regarde. Bah, pourquoi moi, j'ai toujours dit filigrane ? Bah, j'entendais pas réussir. Bah, j'aurais appris quelque chose ce soir, que je me trompais depuis toujours. Mais voilà, mais dans la playlist, on apprend des choses. On fait pas que des conneries. Oui, alors ça raconte quoi cette chanson? Je sais pas, c'est pas à moi. Revenez à la chanson, s'il vous plaît. C'est pas à moi. C'est... Alors, moi je suis pas tout à fait d'accord. Ça parle pas de la perte d'un être cher? Parce que je suis en train de relire ça, les paroles en fait là. Parce que. Ils sont fans, moment, je vous le rappelle. Il dit quand hein, même. Enfin, il dit quand même qu'il souffre et après que sa douleur va commencer à disparaître petit à petit, mais et que justement tout n'a pas complètement disparu et que c'est en l'occurrence la souffrance est toujours là, même si elle continue de disparaître, c'est toujours là. Enfin, moi je l'avais compris comme ça. C'est comme un filigramme qui ne partira jamais. Donc c'est quelque chose qui est inscrit. Ouais. C'est plutôt les traces. Ouais, c'est ça, c'est les traces d'une douleur, ouais. Mais du coup, moi je l'avais compris. Non, mais c'est parce que moi j'ai balancé que c'était une histoire d'amour, mais ça fait longtemps que j'ai pas regardé les paroles, donc j'étais plus sûr. Mais ouais, mais maintenant que tu dis ça, c'est je connaissais pas les paroles, mais quand tu dis ça, ça doit rappeler. Je sais pas si c'était après ce moment. Non, c'est avant. C'était avant. Ça c'est 77. On y reviendra la chanson suivante pour expliquer ce fameux moment, parce que justement. Ah oui, mais non, mais attends deux secondes. Non, par contre, ce qu'on peut dire sur la chanson et sur l'album, c'est que l'entièreté de l'album, il a été écrit par Jimmy Webb. Et en fait, Jimmy Webb, c'est un peu devenu le nouveau Paul Simon à Garfunkel pour sa carrière solo, parce qu'il a participé à l'écriture d'énormément de ses titres, et puis parmi ses plus connus en solo. Et c'est un auteur-compositeur qui est pas très connu, qui est même quasiment pas connu du tout en France, hein, en tout cas. Du grand public. Ouais. Je sais pas ce qu'il en est aux États-Unis. Je sais pas. Mais c'est un mec quand même qui a une carrière assez impressionnante, parce que outre le fait qu'il ait écrit pour pas mal d'artistes, il a fait lui-même des albums solo depuis la fin des années 60, début 70. Donc c'est vraiment un mec qui a de la bouteille, quoi, on va dire, dans le milieu. Ouais, voilà, et là je suis en train de voir rapidement, il a composé quand même pour beaucoup de... Il a composé pour Sinatra, oui. Elvis Presley, Bob Dylan, mm-hmm. Supremes, Joe Cocker, ça va quoi, c'est du joli palmarès. Et apparemment, toujours selon Wikipédia, donc je mets entre guillemets, il est le seul artiste à avoir reçu un Grammy Awards pour la musique, les paroles et l'orchestration. Je trouve pas mal. Donc c'est quand même assez conséquent. Mais je trouve que c'est un mec qui, dans son écriture, correspond bien à la voix, justement, à la personnalité de Hart. Parce qu'il y a une sensibilité un petit peu équivalente. Et ça se retrouve aussi sur un album qu'ils ont fait un peu plus tard avec Emigrant, qui s'appelle The Animal Christmas. En fait, c'est une redite musicale de la Bible, mais transposée avec des animaux. Ah ouais? Ouais. Wow. Ouais, quand même! ça savais pas du tout. Et il y a pas mal de chansons qui sont assez jolies aussi. En plus, il y a des chœurs d'enfants, tout ça. Donc, c'est toujours mignon, les chœurs d'enfants. Tant qu'ils sont pas accrochés au mur, ça me va. pourquoi tu pars directement dans les extrêmes? Je sais pas, t'as des chœurs d'enfants, j'ai pensé à ça d'abord. Mais tout l'album Watermark, du coup, il baigne un petit peu dans cette même ambiance que la chanson qu'on vient d'écouter, un petit peu onirique, comme ça, même si des fois, il y a des moments où ça... Comment ? Il y a des passages un petit peu plus... j'ai pas envie de dire entraînant, parce que c'est pas vraiment le mot, mais moins planant, en tout cas. Moins planant. Ouais. Mais si vous avez fini, c'est très bien, on va passer à la suite. Je suppose que Karine n'a rien à ajouter. Non, c'est ça. D'accord. Je voulais être sûr. Pauvre hein, Karine. Dans le doute, pourtant, non, des fois ouais, que les pourtant, autres. C'est elle qui a été, pourtant, c'est elle qui a été déterminante sur le choix de cette chanson-là en particulier. C'est vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai ce soir, je vous le demande. 42 ? Non, c'est vrai. C'est possible. Mais ça, c'est complètement vrai, 42. Bah oui. Alors, vous parliez de quelqu'un qui s'est baladé dans les États-Unis, en Amérique, et on arrive au 10e titre. Bah, c'est Fox qui a choisi, c'est A Heart in New York. Mm-hmm. Quel album ? Scissors Cut. Et comment ça bah, se dit bah, bien, musique ? Le titre de la chanson ? Oui. Heart in New York. Merci. Ah, ses cheveux ! New York, to that tall skyline I come, flying in from London. to your door. New York, looking down on Central Park, where they say Fox. Oui. C'est pourquoi. Bah écoute, pas trop mal. J'ai un colis à vous livrer, il faudrait que j'aurais besoin d'une signature et puis. Ouais, bah ça marche, vas-y, donnez. C'est bon. Voilà. Voilà. Pourquoi celle-là, Art in New York, pourquoi celle-là ? Alors celle-là, parce que ça fait partie des toutes premières que j'ai pu entendre de lui en solo. Quoi, même si c'est la deuxième, et puis en fait, bah, on va pas tarder après à parler de la toute première. Et ça a été une re-révélation en fait, parce que bah, du coup je l'avais entendu en duo, j'avais avec Bridge Over Troubled Water, comme je l'avais dit dans ma playlist. Et là du coup je l'ai redécouvert dans un style un petit peu différent, mais quand même pas tout, mais quand même assez proche. Mais avec vraiment lui tout seul sur l'entièreté de l'album, j'ai pu retrouver sa voix en solo, si tu veux. Et puis bah, cette chanson, par sa construction, sa mélodie, puis son texte, c'est une chanson d'amour adressée à sa ville natale, quoi. Donc c'est beau quelque part. C'est un thème simple qui a déjà été fait des milliers de fois, hein, je suis sûr, mais voilà, ça marche toujours. Puis il y a ce petit moment là avec la petite trompette ou le saxophone. Attends, c'est un sax ou c'est une trompette là ? C'est un saxophone là. J'aurais dit un saxophone, ouais. Ouais, c'est un saxo. Il ouais. y a ce petit moment avec le saxo qui habille aussi la chanson. Qui est, c'est une chanson qui te donne un petit sentiment de bien-être, je trouve aussi. Même, oui. Même si ouais. T'as jamais traîné dans New York. Mais t'as envie de découvrir la ville. Ouais. T'as envie d'y ouais. aller juste oui. pour ça, ouais. La façon dont il prononce juste le mot Central Park, t'as envie d'y être, t'as envie d'aller là-bas juste pour chanter ouais. la chanson en étant ouais. là-bas. Et. Aller à un étage d'un immeuble, puis regarder la ville sous un beau soleil. Dans ouais, le M&M's il a l'air tellement bien quand il chante ça que t'as envie d'y aller aussi pour être bien. Complètement. Et ça fait vraiment un instant suspendu, encore une fois. C'est, j'aime bien, c'est en fait. Tu passes juste ta journée, t'en as rien à foutre de quel jour tu es, de quelle période de l'année tu es, tu veux juste visiter, quoi. Tu veux passer une bonne journée, quoi. C'est comme ça que je le vois aussi. Ouais. Et il parle du cœur de New York, et dans cette chanson, on retrouve musicalement un tempo qui rappelle le rythme cardiaque. Oui, c'est vrai. Donc il faut l'écouter la première fois on n'y fait pas gaffe, mais après il faut l'écouter en faisant attention à ça, et t'entendras le rythme cardiaque d'un cœur qui va bien. Un voilà. cœur apaisé, quoi, en fait, c'est ça. C'est beau. Non, et puis oui, c'est un peu, il explique que c'est la ville un peu des possibles dans le fond. Mais... Mais ça fait quand même la ville des possibles, enfin ça fait le côté Amérique, mais à taille humaine, relativement à taille humaine, c'est-à-dire c'est vraiment, New York c'est vraiment construit, c'est vraiment à la verticale, mais j'ai pas l'impression que ça fait tant la démesure à l'américaine, tout ça, c'est ça que j'aime bien, c'est parce que, voilà, en général les États-Unis je trouve ça, je n'aime pas trop ce côté trop démesure, trop grand, etc. Là ça fait plus taille humaine, quoi, et ça j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, et puis on voit bien du coup qu'il aime la ville, quoi. Tu vois, t'es New York, c'est comme une scène tirée d'un film, mais tu es bien assez réel pour moi. C'est ça. Le cœur de New York, c'est une rose dans la rue. J'écris ma chanson au son du battement de cœur de la ville, quoi. Ouais. C'est beau. J'allais le dire. Mais moi c'était ironique. Ah non, mais c'est. En plus, il est poète, hein. Sans déconner, il est vraiment poète. Il a publié des livres de poésie, etc. en prose. Là, c'est pas lui qui a vraiment écrit les paroles. Mais... C'est pas lui, mais même ce qu'il écrit lui, c'est beau et tu retrouves vraiment de ça, je trouve. De toute façon, je pense que c'est pas le mec à qui on vient donner des chansons comme ça et il dit ouais, ça c'est bien, je change. Je pense qu'il a. je pense qu'il, ouais, des fois, il décide de remanier un petit peu le texte, mais il le mic par dans le crédit. Enfin, je pense. Et c'est un titre, encore une fois, partagé par vous tous, ou c'est vraiment quelqu'un qui a mis plus en avant que les autres? Moi, je ne la connaissais pas, donc je l'ai écouté une fois, mais j'étais quand j'ai écouté, c'était « oui, celle-là, je suis pour ». Bah, ça a été proposé, c'est comme l'autre, ça a été déproposé aux dévotés, et puis ensuite, ça a été... Enfin, il me semble que ça a été apprécié par tout le monde. En fait. Ah, je confirme. Voilà, je la connais par cœur. Ah bon? Ah ouais, je, voilà. Ah ouais, c'est beau ça. Alors moi, par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas entendu. Mais pourtant. Ah bah si, je suis là. Hein. Non mais, elle était calme. Je m'en doutais tellement qu'il allait dire ça quand j'allais reparler. C'est tellement. Comme les gosses, tu sais. Oh mais putain, tu l'as réveillé. Maintenant, il va pas arrêter de pleurer là. Je te remercie de la comparaison. Enfin, je sais pas. Non, c'est en fait la réaction de Barbarousse que je commentais. Ça faisait cet effet-là, je trouvais. Je crois qu'on a coupé Karine aussi encore. Pardon, excuse-moi, Karine. Non, je. Mais non. Je croyais t'avoir coupé. Non, mais t'as une façon bizarre de terminer tes phrases. Tu fais et tu t'arrêtes. Ah merde. Et c'est très bizarre, c'est qu'on s'attend à avoir autre chose après. Ah bah non. Oh merde, ah bah, je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Non, ça va. On se fait toujours avoir à chaque fois et. Ah non, on retombe de la falaise et puis. C'est ça. Bon, faut que je gagne. Non, mais c'est bien de me le dire. Je vais faire très attention alors. Karine, non, la femme au cliffhanger, tu sais. C'est bien comme surnom ça. Ah ouais, on pouvait évoquer le passage de la vie qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure. Ça marchait pour un passage de la vie. Bah oui, parce que c'est l'album qui a suivi le truc en fait. Ah oui, d'accord. Il a été au pute aussi? Non, il n'a pas été au pute. Non. En fait, il était très amoureux d'une nana qui s'appelait Laurie Bird. Ouais, qui était mannequin et photographe et actrice. Ouais, c'était elle qui avait pris la photo de la couverture de l'album Watermark d'ailleurs. Et en fait, cette nana-là s'est suicidée au tout début des années 80. Et donc, du coup, l'album là, il est sorti en 81. Et en fait, ensuite, ça a suivi une grosse période de dépression pendant laquelle il n'a pas sorti d'album solo pendant 7 ans. Oui, voilà, ouais, et... 7 ans, ouais. Si on ne compte pas le projet en commun avec Amy Keys sur le Animal Christmas. Mais, est-ce qu'il a... Un truc qui l'a sorti un peu de la dépression, c'était justement le fameux concert de Central Park en 81. Enfin, je veux dire, ça l'a aidé. Peut-être pas, mais en tout cas, je crois que c'était Paul Simon qui l'avait invité. Et c'était un beau geste, en tout cas, je trouve, de sa part. C'est toi, tu vas pas bien, donc tiens, écoute, on va faire un super grand concert à Central Park, etc. Et tu vas chanter avec moi. On va reprendre tous nos vieux. Reprendre tous nos titres super connus, etc. Et je trouve que c'est une très belle, un très beau geste, je trouve. Mais ouais, lui, il avait très mal vécu ça. Quand tu considères que l'amour de ta vie se suicide et qu'en plus elle se suicide chez toi et que c'est toi le premier qui découvre le corps, ça fait un peu bonne ambiance. Ça fait un peu beaucoup à avaler en une fois, on va dire. En plus, c'était pendaison, je crois. Conclusion, rester célibataire, c'est bien. Non, je suis pas. Confirme. Non, je suis pas. Le rock de tout à l'heure. Je suis pas tout à fait d'accord, mais. Absolument. Si, c'est le même principe que Yammer Rock. En restant célibataire, tu ne risques pas de retrouver pendu ton conjoint. Oui, mais bon. Techniquement, non. C'est sûr. Oui, mais bon, ça n'empêche pas, tu pourrais retrouver un jour un membre de ta famille. C'est une logique à toute épreuve. Oui, mais tu peux un jour retrouver un membre de ta famille pendu, hein, ça change pas. Hein, c'est... Je veux dire, voilà, c'est un peu la faute à pas de chance, malheureusement. Sauf que ta famille, tu ne la choisis pas. Ouais, mais ça te fait un traumatisme quand même. Voilà. Le suicide d'un proche, hein, pas la famille. Hein. C'est pas la famille qui fait le traumatisme. Pas les amis, pas la famille. Exactement. Juste les amis, les amours et les emmerdes. Bon. Bah, on va rentrer dans la zone arnaque, la zone méga bonus, la zone des titres en plus, qui n'auraient pas dû être là, mais qui sont là quand même. C'est la zone des titres coup de cœur de chacun, c'est normal. Je me répète, mais merci Barbe. Merci Barbe. Arnaque. Je trouve ça absolument normal. Il y a un titre normal. Dis merci, ça ira mieux. Elle peut pas, ça lui arrache la tronche. Ah non, regarde, merci. Tu vois ? Je sais pas. Je l'imagine tellement avec un couteau dans le dos. Merci. Merci. Merci. Le couteau était trop serré. Me le fais pas dire. Oh non, merde, j'ai honte. Bon, alors les bonus, on va continuer par Fox. Bon, c'est Sizer's Cut, toujours de Art Garfunkel tout seul. Oui, toujours, et puis toujours sur le même album en fait que le précédent. Oh, toujours les cheveux. On ne critique pas la coiffure d'Art Garfunkel. If they ever dropped the bomb you said, I'll find you in the flames. But now we act like people who don't know each other's names. Well, ça continue donc gentil. Pourquoi cette chanson-là en particulier, ce coup de cœur-là en particulier ? Bah parce que comme je le disais il y a 10 minutes, c'est... J'étais pas là. Ouais, t'étais pas là, t'avais un mot de ta mère ? Oui. C'est par cette chanson-là que j'ai découvert la carrière solo. Et là, pour le coup, oui, ça a été... Ça a été un grand instant d'émotion. je m'en souviens encore, la toute première fois que... C'était il n'y a pas longtemps, quoi. C'était il y a un an et quelques. Mais je me revois très bien dans la situation où j'étais tout seul. J'avais passé une journée de merde, je crois. Et du coup, je venais d'acheter tous les albums en duo. Et puis, en traînant sur YouTube, je suis tombé sur... sur le clip de cette chanson-là, du coup je l'ai balancé et puis voilà quoi. Donc ça m'a permis d'entrevoir de nouvelles possibilités concernant le chanteur. Et puis bon, le thème de la chanson, encore une fois, c'est un thème qui a été déjà vu et revu, mais c'est une chanson écrite par Jimmy Webb aussi, celle-là. Il l'a reprise aussi à son compte après sur un album à lui en 82. Et ouais, le thème, il est ultra vu, c'est l'amour qui fane, quoi. Au début de la chanson, il dit, il rapporte une parole que la nana lui a dit. Il dit même si on venait à bombarder ta maison, je viendrais te chercher dans les flammes. Et ensuite il dit et maintenant on agit comme des gens normaux et on s'évite quoi, on se parle plus. Et à la fin il dit je me demande encore maintenant si tu viendrais vraiment me chercher dans les flammes quoi. Donc c'est une des paroles parmi d'autres. Mais ouais, c'est une chanson qui me touche profondément dans sa manière qu'il a de la chanter, voilà, son orchestration, sa petite partie de violon là qu'il y a sur la fin là. Et il y a une sorte de petit sentiment un peu le mec il s'est fait à l'idée et puis en même temps tu sens bien que ça le fait chier quoi, mais qu'il peut rien y faire. Et je crois que c'est le lot de tout le monde à un moment donné. Et puis voilà quoi. Donc ça, ouais, ça. Et comme cette chanson-là faisait pas forcément l'unanimité dans le groupe, quand on a. Ah, il y a eu baston. Non, c'était même pas baston. C'était qu'il y a eu des préférences et tout. C'est normal. Il y a eu des préférences, c'est normal. Et puis. Et donc, du coup, quand on a balancé les chansons bonus, j'ai pas hésité, je me suis dit que j'allais la mettre. De toute façon, cette chanson-là, aussi, dans ma playlist à moi, je m'étais dit que je voulais la mettre, et puis bah, je voulais pas déjà faire un doublon en mettant deux chansons du même gars, quoi. Donc, je l'ai un peu regretté, hein, mais bon, au moins, voilà, là, elle est placée, et puis je suis très content, Et à chaque fois que je les touche, je les touche. À chaque fois. Non, à chaque fois que je. Lapsus. À chaque fois que je l'écoute, je suis très ému, tu vois. Là, je... On respecte ce sentiment. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Et maintenant, dans C'est mon choix, nous allons accueillir. Eh, nous, on peut même pas commenter sur les chansons bonus des autres. Non. Bah, si. Parce que c'est dans les bonus. Si, j'aimerais bien savoir leur avis. Bon, bah, allez-y. Là, j'avoue, là, tu te fais rouler la barbe rose. Non, mais un avis rapide et concis, quoi, mais. C'est Fox qui a dit oui, alors. Non, un avis rapide et concis, quoi, pour pas tirer. S'il vous plaît. Pas tirer sur la corde. Bah. Vas-y, Karine. Et voilà, merci, Karine. Moi, je connaissais pas la chanson là. Alors, je l'ai écoutée parce que voilà. Et je l'ai écoutée une première fois et la deuxième fois, je l'ai trouvée encore plus belle. Et la troisième fois, je me suis dit mais en fait, j'ai l'impression de l'avoir toujours entendue. Voilà. Oui, c'est merci. C'est ça que ça me fait ça. Moi. C'est une chanson que t'y reviens. En fait, inconsciemment, t'y reviens. Oui. Voilà. Un truc où tu te dis mais si je la connaissais, c'est pas possible que je la connaissais pas. Mais si, voilà. Donc, comme si, en fait, je l'avais toujours écouté. C'est tout. Mais comme j'ai pas fini ma phrase par « eh », bah c'est sûr qu'il sait pas que j'ai fini de parler. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Ben, vas-y, j'y vais. Je pense que t'aurais plus de choses à dire que moi, là-dessus. Donc, En plus, t'as demandé la parole. Exactement. Ah non, c'est juste pour... Pour faire chier. C'était juste pour faire chier, là. Mesdames et messieurs, elle l'avoue enfin publiquement. C'était pour tondre Barbe Rousse. Elle est forte. Bon, sinon, Musica. Excellent. Oui. Ah, vous imaginez même pas quel point. Ah, bah moi je l'ai. Oh putain, mais. Mais tu l'as placé. Elle abuse. Elle abuse. Bon, d'accord, je le résume en une phrase. Cette chanson est très bien, très belle et représente à fond Garfunkel. Voilà. Merci. Musica. Très bien. Bah, moi, c'était comme Karine, je la connaissais pas. Non... Enfin, si, il y avait pendant qu'on enregistrait ma playlist, Fox l'avait tweeté. Je l'ai écouté quelques temps après. Ben, et je l'ai réécouté après par la suite. C'est. Ouais, mais elle est jolie. Elle est. Garfunkel a toujours une voix, je trouve, magnifique. Après, j'ai un tout petit peu plus de mal avec la solo de Garfunkel, enfin, du peu que je connais. C'est qu'en fait, ça fait un peu. Ça fait très marqué. Très marqué dans une époque, et ça fait très. Il y a un côté très 80, la musique. Et les années 80, c'est pas forcément la période que je préfère. Ouais. C'est vrai. Et. C'est pas forcément la période que je préfère. Donc, des fois, j'ai juste un petit peu de mal avec le fait que ce soit très marqué comme ça. Mais je reconnais que la musique elle est jolie, Garfunkel a toujours une voix assez exceptionnelle et on ne touche pas aux cheveux de Garfunkel, je suis désolée, ses cheveux vont très bien, ça me tue le fait que ce mec devienne chauve, ça me tue, voilà. Mais à chaque fois que je mets le morceau, il y a son visage qui ressort, ça me fait un choc. Ah après, bah, que tu vois sa tête en gros plan, peut-être que c'est choquant au début, hein, mais on touche pas aux cheveux. C'est non, d'ailleurs j'aurais voulu qu'il se fasse une greffe de cheveux ou je sais pas quoi. Mais... Ça aurait pas été pareil. C'est vrai. L'organisation de la protection des cheveux bouclés vous faire savoir que les cheveux bouclés ont le droit d'exister, tout comme les cheveux lisses. Il n'y a pas de raison, cette discrimination n'est pas normale. Voilà. Ah ou. Lisse ou bouclé, on mérite tous d'exister. Lisse ou bouclé, ouais, d'accord. Faut pas filer le concept à péremptoire, on pourrait trouver un podcast à faire avec. Donc voilà, tu peux passer à autre chose. Donc maintenant, on va passer à Iggy avec Art Garfunkel et All I Know. Sur quel album? Alors, attends, j'ai un trou. Angel et Claire. On a complètement. Angel et Claire. Lequel? Alors, je sais pas si je le prononce bien par contre. Mais... Oula, attends, je sais même pas comment ça s'écrit donc. Si, c'est Angel Claire ou Claire, je ne sais plus. Mais c'est ça. Ouais, Angel Claire, ouais. Thank you. ils font que des chansons d'amour, ces mecs-là, c'est pas possible. Pardon ? C'est que des chansons d'amour, ces trucs-là, c'est pas possible. Et alors ? C'est tu vois pas en quoi ? Des chansons quoi, j'ai pas compris. Des chansons d'amour. Namur. Ouais, c'est beau, Namur. On n'est pas de Namur, hein, parce que sinon, ça sert à rien. C'est moins bien. Moi, Iji, pourquoi ? Alors, pourquoi ça ? Bon, parce que les chansons d'amour, c'est quand même très beau. Mon Dieu. Alors, pourquoi... Non, vraiment, je sais que c'est redondant, que c'est le même sujet, etc. Mais cette musique, je trouve qu'elle est vraiment touchante. Tu l'écoutes, mais t'es obligé d'être pris. Enfin, c'est une chanson qui montre vraiment la sensibilité qu'une voix, juste une voix, peut faire passer. Et personnellement, vraiment, je la trouve magnifique. Je l'avais dit d'ailleurs dans ma playlist que j'avais hésité fortement avec celle-là, que j'avais eu très difficile à choisir parce que vraiment, elle est superbe, quoi. Et puis la musique derrière qui fait monter un petit peu la tension, c'est magnifique, je trouve. Alors, oui, effectivement, comme certains me le rappellent, j'ai dit beaucoup de choses dans ma playlist et j'avais donc notamment dit, vu qu'apparemment il faut le rappeler, qu'entre Bright Eyes et All I Know, j'avais eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à choisir. Parce que les deux sont très, très, très, très, très jolis. Mais bon, de toute façon, j'avais déjà eu du mal à choisir rien que ces deux-là. Donc, ça, c'était déjà fait. Mais celle-là, vraiment, je regrettais de ne pas pouvoir l'avoir mise. Et elle est superbe parce que ça vraiment, limite, moi ça me fait un peu penser. Alors ça va être très débile et extrêmement cucu. J'avoue ne pas être du tout cucu normalement en termes généraux, mais là ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, à une grande salle avec un très beau parquet, à une salle de danse. C'est débile, c'est cucu impossible, mais ça me fait penser à ça. Mais écoute les violons derrière, t'as l'impression de danser. Je vois pas. Mais je t'assure. Ouais, tout seul dans la salle. C'est Cécile l'impératrice en Autriche. Ok. Non, mais sincèrement, t'as pas l'impression avec les violons derrière que ça te fait. Si, mais c'était moi, juste le qualificatif que la praline, quoi. Et je ne parle pas de balle de promo, hein, absolument pas. Non, mais moi, ça me fait penser à ça, limite dans les vieux films, quand tu vois ça, ben, moi, ça m'y fait penser. Et cette musique, elle est vraiment. Comment dire, enfin, elle est hyper. Elle raconte encore une fois son histoire. La voix qu'il a, mais c'est juste magnifique. Il a une voix qui a été touchée par les anges, c'est pas possible. Et c'est super, même si les paroles sont redondantes, etc. C'est extrêmement beau et extrêmement touchant. C'est perturbant quand même d'avoir cette musique en arrière-fond. Pas une musique, c'est un son. Et un son. Et voilà, quoi, même si les paroles, c'est il y a toujours une fin et la fin va trop vite, vient trop vite. C'est quand même hyper beau. Et qu'on soit cucu ou pas, je pense qu'on est obligé de trouver ça beau. Alors, qui veut réagir ? Qui prend le bâton de parole ? Les dames d'abord. Jessica, c'est à toi. Non. Oh, l'enfoiré. Musique. Ben, je la connaissais pas vraiment non plus, mais. Oh, faites chier. Non, mais attends, merde. C'est vrai qu'elle est jolie, mais elle est quand même. Encore une fois, je la trouve marquée, mais bon. Garfunkel, c'est pas si. C'est pas les années 80, hein, celle-là. Hein. Ouais, mais il y a quand même un côté un peu. Je sais pas, c'est. Tu sens que c'est un peu marqué dans une époque quelque part, je trouve. Ou alors il y a un côté kitsch, c'est pas vraiment kitsch, mais enfin, je sais pas, il y a un arrangement qui fait un peu, qui fait légèrement vieillot, si tu vois ça. C'est pas le côté violon, etc., mais je sais pas, voilà, c'est encore une fois le même problème, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais bon, ça reste quand même très très très agréable à écouter. Ça, je vais pas m'en plaindre. Et voilà. Karine. Eh bien, je pense que je ne pourrai plus jamais écouter cette chanson sans avoir en tête des robes qui tournent. Alors, sur une piste. Tu vois que ça marche. Voilà, je pense que je vais tout le temps penser à ça maintenant. Non, mais sans... une fois qu'on m'a mis une image en tête sur une chanson, c'est très, ça va être dur. Oui, ça marche bien. Oui, ça marche bien. Fox. Non, pas de robe, je suppose. Non, parce que moi, ça m'évoque pas ça, moi, mais. Non, tu vois, même à la rigueur, la toute fin, le dernier All I Know où il part très loin, ouais, je le verrais presque, tu sais, bras tendus devant la lumière. Enfin, je sais pas, mais. Ouais, non, mais. Un truc comme ça, mais. Oui, donc, ouais, bah, cette chanson, bah, c'est à peu près le même sentiment que Iggy, hein, sur celle-là. Et, c'est, ouais, c'est l'arrangement des instruments, non, moi je les trouve justement vachement travaillés et puis justement pas marqués. Enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve que ça passe. Ouais, voilà, je trouve que tu ça passe pas quand même ça. Encore relativement bien. Il y a la version avec juste piano aussi qu'il avait fait en 91 sur ou 93 sur Uptill Now, qui est pas mal aussi. Mais juste qui est plus dépouillé, quoi, mais les deux versions sont vachement bien, mais non, bah, le sens de la chanson, sa construction aussi, il y a tout, moi, qui me berce et me touche. Non, je suis très sentimental, en fait, comme mec, hein, tu vois. Ah non, mais c'est mignon. Bah avec Garfunkel, on peut pas vraiment faire. Ah bah ouais, mais t'es barbu, cheveux longs au dos, tu... Ah bah ouais, et puis c'est de love et tout. Putain, ouais. Quoi. Moi, généralement, les gens, ils pensent plutôt que je suis du côté métal, hein, mais pas vraiment. Ah, c'est les bisipis modernes, hein, qu'est-ce que tu veux. Alors que tu es du côté doux, du métal, moi... de l'autre côté. Non, moi, je suis plutôt du côté rock-prog et folk, moi, donc... Ouais, ça va. C'est pas le même genre. Ouais, c'est pas le même genre. C'est un peu différent. Bon... Musica. Oui. Cloudy. Oui. Cloudy. Cloudy, ouais. Quel album? C'est Passé, Sage, Rosemary and Thyme de Simon & Garfunkel. Cloudy, the sky is gray and white and cloudy. Sometimes I think it's hanging down on me. And it's a hitchhike 100 miles. I'm a ragamuffin child. Ah, alors, il y a une petite cette impression d'orchestration, un peu comme les Beach Boys. C'est de Thérémine dans le fond. Alors Musica. Ben pourquoi ce titre? Parce que c'est, je pense que c'est, alors c'est très dur de faire un classement dans les musiques que je préfère du groupe, mais celle-là elle est très haut, elle est vraiment très haut dans mon classement si je devais en faire. Hein. C'est, j'adore, il y a un côté, c'est vraiment, il y a un côté un peu rêveur là, c'est. C'est en fait, c'est juste l'histoire d'un ou deux, parce qu'ils sont tous les deux à chanter, mais d'un mec qui en fait, ça perturbe la musique parce que c'est tellement beau. C'est voilà, en fait, il fait pas beau, mais il se dit voilà, il passe d'un texte à un autre, il passe de Tolstoï à quelqu'un d'autre. C'est assez volubile, mais très poétique et très mignon. Et à la fin, c'est le truc vraiment touchant, c'est quand il dit Hey sunshine, I haven't seen you in a long time. Et enfin, grosso modo, et le soleil, ça fait longtemps que je t'ai perdu, pourquoi est-ce que tu ne viens pas grosso modo me réconforter, quoi. Et c'est tout simple, on dirait pas, on pourrait juste penser que c'est l'histoire d'un mec qui vagabonde un peu et qui erre, pareil, encore une fois, dans une ambiance très bucolique, un peu dans un champ, enfin dans un champ ou dans une prairie, tout ça, c'est en printemps-été, c'est beau au final, c'est très bizarre parce que tour à tour, c'est soit... Le titre que j'écoute et qui va me mettre vraiment de bonne humeur parce que voilà, ça me transporte vraiment de bonne humeur, je vais sourire, tout ça, c'est voilà, Mais autant c'est aussi aussi pour peu où je suis un peu voilà, je suis un peu pas bien, ça va me faire pleurer. Parce que c'est là où j'ai tout après, quand je suis dans ce genre d'état, j'ai tout le sous-texte en fait qui... Enfin, toutes les paroles, tout le sous-texte que je me prends en pleine gueule et ça me donne envie de pleurer, quoi. Mais c'est très bizarre au final que ça me fasse deux émotions comme ça. C'est juste... Voilà, c'est beau. En plus, ça parle de livres, donc je peux pas plaire. Est-ce que ces chansons sont pas juste à l'image de leur... de l'histoire de leurs auteurs? Ah, mais je pense que c'est... Chaque fois, des séparations, des rencontres, etc. Je pense, mais ça traduit aussi... Enfin, ça traduit vraiment une sensibilité que... C'est j'allais dire très artistique, mais c'est-à-dire, ça fait vraiment... Quand tu lis quand t'écoutes ce genre de musique, quand tu lis ce genre de paroles, c'est quand même... C'est vraiment... Pour moi, c'est l'image du poète ou du musicien, même du musicien de folk, qui est très... un peu bohème, un peu très rêveur, etc., qui sait très bien capturer en fait le moment juste, le voilà. Et c'est bah oui, forcément ça reflète ça reflète complètement les auteurs, et ça reflète aussi surtout, je pense, leur sensibilité, quoi. C'est ça que j'aime bien. Est-ce que quelqu'un veut prendre le bâton de parole? Moi, je laisse toujours les autres d'abord. C'est la bonne technique. Bon, bah, Karine. Moi, ce que j'aime surtout dans cette chanson, c'est l'intro. Ah, oui. Le démarrage qui est tout oui. doux, qui est tout... c'est typiquement le genre de choses que je chanterais oui. Au-dessus du lit du petit. Oui, j'y pensais, ça. Parce que il y a un côté réconfortant, voilà. Ouais. Ça me fait cet effet-là aussi. C'est vraiment un côté réconfortant. Je vois le petit... Si, si, ouais. Si. Non, vous trouvez pas les... Bah, je me disais que ça faisait un peu berceuse. Les sons ouais. Un petit peu... Ouais. Voilà, et puis c'est ce qu'on retrouve dans les jouets qu'on remonte comme ça pour faire la petite musique du soir, et ça me fait penser à ça, à l'intro. Ça rajoute au côté. Quelles que soient les paroles. Tu vois, je raconterai n'importe quoi, c'est pas grave. C'est ça. Ouais. Voilà. C'était mon point de vue sur ça ces chansons. Ça rajoute au côté mélancolique, ça c'est vrai, un petit peu. C'est... Les petits, justement, les petites notes, le côté un peu berceuse, là, ça rajoute au côté tristesse un petit peu mélancolique de la chanson, au final. C'est... Ouais, mm-hmm. Je me trouve un peu rose bonbon ce soir. Bah, quand même. C'est le groupe, qu'est-ce que tu veux. C'est très émotionnant. C'est pas vraiment mon style, en fait. Parce que là, tout le monde y est. Ah ouais, non, mais complètement, c'est... Joyeux diabète à tous, hein, rose bonbon, ça comme ça... Ouais. Caramel, chocolat, praliné, tout ça, tout ça. Papa, tout ça, c'est vrai. Ouais. Le sucre d'orge, c'est trop bon. Oh non, la pâte d'amande. Attends, il va encore falloir attendre. Les chamallows. Là, je me suis bouffé un paquet tout à l'heure. Je m'en fous, demain, je fais une tarte au citron. Ah ouais. Oh oui. Et voilà, le choix est fait. C'est ce que je vais faire. Et paf, je me vengerai dessus parce que je vais pas à un certain concert. Je resterai avec ma tarte au citron beurre. Giro, prends la parole. Si tu en as envie. Alors, oui, encore une fois, c'est une musique que j'aime beaucoup. Tu vois, quand t'as justement eu une journée un peu chiante, etc., tu te mets soit dans le canapé, fermes tes yeux et puis t'écoutes, ou tu prends un bon bain bien chaud, puis tu mets cette musique-là derrière, et puis c'est agréable, et puis tu te détends. Et c'est trop bien. Ouais, bah à peu près tout pareil, hein, non. Ce que j'aime bien la danse, ouais, c'est la petite dimension un petit peu berceuse, calme, tranquille, elle est cool. Mais oui, c'est une chanson que j'aime bien. C'était pas une des premières à laquelle j'ai pensé automatiquement, mais c'est vrai qu'en fait, quand on la réécoute, on a toujours le petit sourire en coin. Ouais. Bah, on va passer à Karine au final, si je me trompe pas. Oui, non, c'est bon, je me trompe pas. Non, tu te trompes pas. Homeward Bound, si je le dis bien. Ouais. Homeward Bound. De Simon Garfunkel sur l'album. Presley Sage, Rosemary and Thyme. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was. Homeward bound, home, where my thoughts escaping, home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently for. Celle-là, elle change un peu, tiens. Oui, et donc c'est une chanson qui n'est pas toute rose bonbon et qui est assez triste. Donc en fait, ils sont tristes et ils sont amoureux, en gros. Pour résumer. C'est la vie. Ça, ouais, c'est plus souvent ça. Ah ouais, hein. Elle commence direct par quelque chose qui dit « Rentrez chez moi, je voudrais bien rentrer chez moi ». C'est l'histoire de personnes qui ont l'impression, je pense, de subir leur vie un petit peu et de plus avoir le contrôle et ils racontent qu'ils aimeraient bien justement retourner là où ils savent qu'ils sont en sécurité, qu'ils sont réconfortés chez eux, quoi. Alors peut-être leur maison d'enfance, ou je sais pas trop où est-ce qu'ils se sentent comme ça, mais voilà. Ils viennent raconter dans leur chanson tout l'inconfort qu'il y a de, je suppose, de faire des tournées ou des concerts et d'être à droite à gauche tous les jours dans une autre ville, qui font que de temps en temps on perd pied, puis on dirige plus rien, on contrôle plus rien, et du coup voilà. Donc ça peut peut-être parler à d'autres, même si on n'est pas forcément des stars ou des je sais pas quoi, mais bon voilà, tu sais. Ouais, cette idée genre de choses comme ça. Ça, ouais. Cette idée de mouvement permanent, quoi. C'est, tu peux pas te poser. Ouais. Et de rien contrôler. Ouais, et t'es loin surtout. T'es loin, t'es pas. Mmh. T'es loin et seul. T'as envie de... Voilà, c'est ça. Et puis. Je sais pas si à un moment ils disent pas aussi qu'ils font semblant. Qu'ils feront semblant parce que il y a le show et ils le feront. Ou un truc dans le genre, quoi. Enfin bon, voilà. Mmh. Et du coup, c'est une jolie chanson. Est-ce que quelqu'un veut prendre le bâton de parole? Ça va devenir une super phrase, ça. Bon, comme d'habitude, ouais. Je sais, Fox, les femmes d'abord. Ouf, ouf, Iji. Les gentils d'abord. Alors, celle-là. Ah bah voilà, direct. Ah bah voilà, non mais c'est... Voilà, moi je me tais pour laisser... voilà, c'est... Bah, au final, ça me revient quand même, donc... impeccable, mais ouais, bah c'est une chanson qui est très belle, qui c'est d'ailleurs même dans la rythmique, ça reprend aussi un peu le, enfin moi comment je le vois, ça reprend un peu le thème du train, et c'est quelque chose qui revient aussi dans certaines des chansons que je trouve ça assez marrant, en fait, l'allusion. Et enfin moi en tout cas je le vois comme ça, quoi. C'est-à-dire c'est vraiment un mec qui prend le train et qui part de ville en ville et qui voilà, il doit faire ses concerts, tout ça. Et c'est pas dit de manière explicite que c'est comment dire, ils font semblant, mais laisse-moi finir, c'est qu'ils expliquent quand... Mais ce qu'ils expliquent quand même, c'est que il y a t'as un côté, t'as deux faces, c'est-à-dire t'as le côté scène où il doit faire son job de musicien, mm-hmm. etc. Et après il a tout le côté où il est vraiment, où la personne est vraiment elle-même, et puis voilà, il y a le manque, etc. Et c'est quelque chose qui ne montre pas forcément aux autres. C'est pas faire semblant, c'est-à-dire mettre en avant une personnalité et une facette de toi, et avoir une deuxième qui est beaucoup plus intime, beaucoup plus personnelle pour le coup. Là, on arrive dans le psychologique, là. Ah bah pour le coup, c'était un peu ça, quoi. Ça, je l'avais vu, quoi. C'est parce que faire, ah, c'est intéressant. Faire semblant, ça suppose en fait que tu te falsifies, quoi. Que tu te mens, en fait, en quelque sorte, que tu te mens toi-même, que tu montres que t'es quelqu'un alors qu'en fait tu n'es pas. Et là, c'est pas ça. C'est juste. Ce serait plus un dédoublement de personnalité à la limite, mais ce serait extrême comme raisonnement. Mais voilà, c'est juste, il y a l'image publique, il y a l'image privée, quoi. Pas grand monde n'a accès à cette image privée, justement. Surtout aujourd'hui. Voilà. Ouais, voilà, surtout aujourd'hui, ouais. Voilà, ça, c'est sûr. Musica, je crois que c'est fait. Oui. Désolée, j'ai un peu beaucoup parlé. oui, bah si tu veux. oui, bah moi je l'aime bien aussi cette chanson parce que bah, on a hésité même à la mettre dans les chansons régulières, on va dire. Oui. Et puis, oui, je me. Bah, à titre personnel, moi je me retrouve pas mal dans cette envie de retourner à un endroit qu'on connaît bien, enfin chez soi, quoi. On a tous cet endroit où on sait qu'on sera accueilli, qu'on sera bien, on sera au chaud et tout. Étant attaché à ma Lorraine, on va dire, maintenant que j'y suis plus et que normalement ça va être quasi définitif, je me retrouve pas mal dans la thématique, ouais. Du fait que bah, on est bien chez soi et que bon, on fait avec quand même. Pendant qu'on part à droite à gauche et puis voilà, c'est tout. Donc ouais, après dans la rythmique ouais, du train, j'avais pas forcément fait gaffe, mais ouais, effectivement, on peut voir un peu le chaos du train, quoi, quand il roule. Ah ouais, moi je trouvais dans l'instru c'était assez présent au final. C'est, t'entends un peu, t'as l'impression que c'est les cliquetis des roues sur les rails, quoi. Et comme c'est dit clairement au final, maintenant que j'y repense, qu'il est sur un quai, je trouve que c'est... Ouais, non, mais tu vois, je m'étais jamais vraiment fait la réflexion là-dessus. Mais du coup, ouais, une chanson que j'apprécie particulièrement et que je me chantonne, moi, souvent, dans mon coin. Ouais. C'est pas le seul. Faudrait que j'apprenne les paroles par cœur de cela. Il y en a pas mal que je connais par cœur, ça, c'est pas encore le cas. Bah si je parle de cette musique là, moi je vais plus dire que c'est un peu ma chanson du dimanche soir, tu vois, quand justement je pars de chez moi, je me dis bah ça va être encore une longue semaine, vivement vendredi, et ouais, c'est totalement, enfin je veux dire, tout le monde s'y retrouve dans cette musique, parce que c'est vraiment, à un moment il le dit, là où je voudrais être, etc. Et je reviens sur ce qu'avait dit Musica, que c'est pas, il le dit pas clairement, mais il me semble qu'il dit je jouerai le jeu et je vais prétendre, parce qu'il dit justement I play the game and pretend, il me semble, vers la fin. Oui. Et il me semble qu'il dit carrément pretend, ah, oui. Donc il le dit clairement qu'il fait semblant, ah, et que oui. Bon, c'est de toute vrai. Façon, faut le faire. Et je pense que beaucoup s'y retrouvent parce que malheureusement, avec les études, oh, avec, oui. etc., on doit bouger, etc. Et c'est chiant, hein. C'est très très chiant, surtout quand on va dans une ville, on n'a pas envie d'aller. Mais surtout quand tu vas dans un endroit que tu dis putain, c'est pas fini, je vais devoir rebouger après. Absolument. C'est complètement ça. Et voilà, et c'est cette chanson, c'est vraiment c'est pas du tout une solution au coup de blues, hein, parce que justement tu te dis punaise, encore tant de jours avant que je rentre chez moi, voire tant de semaines parfois. Et cette musique, c'est carrément ah là là, en plus qu'est-ce qu'il est bien cet endroit, oh là là, c'est génial d'y être. Et quand j'y suis pas, c'est tellement pas bien. Mais des fois, ça peut aider aussi d'écouter ce genre de musique, parce que c'est pas forcément se sentir compris, mais c'est se rendre compte que de toute façon, c'est le cas. T'es moins seul. Et limite. Et tu dis, bon, bah, c'est tout. De toute façon, il n'y a plus qu'à attendre. Et il n'y a plus qu'à attendre de retourner là où on est bien pour se refaire des nouveaux souvenirs de là où on est bien. Et repenser à ces souvenirs-là la semaine en attendant d'y retourner, etc. Et c'est hyper touchant. Et oui, je pense que c'est limite philosophique comme texte. Parce que c'est vraiment... C'est vraiment ça. Ça dit, il y a des mauvais moments à passer, même si évidemment c'est pas que des mauvais moments. Mais parfois on a besoin d'un bon bol d'air frais. Et en l'occurrence, on sait où le trouver. Et c'est bien aussi de savoir que ça existe et que ce sera toujours avec nous, pour pas dire derrière. Mais c'est bon à savoir. Ah ben, on a bien fait de la laisser parler. Désolé. C'était bien. C'est chiant quand je parle sérieusement. Non, j'ai trouvé ça intéressant. Oui, c'était intéressant. Voilà, quand je parle Enfin, quand je fais pas de blagues, je parle bah, comme ça. Ça va, il y a pire. On peut dire des conneries. Bah, en fait, Simon & Garfunkel, c'est un groupe de la mélancolie et de la psychothérapie, en fait. Non, c'est alors, juste celle-là, en fait. C'est juste celle-là. L'effet sonore. Non, c'est juste bah, l'effet sonore qui aide, mais... Non, mais après, est-ce que déjà, quand quelqu'un crée, forcément, il va pas chercher à mettre de sa personne dans ce qu'elle crée, que ce soit, je sais pas, un film, une série, un roman, de la musique, enfin bref. Je pense qu'elle va forcément se mettre un peu d'elle dedans, donc même forcément les fois, de base, il y a des thèmes récurrents que tout le monde vit, donc c'est un peu normal que ça se retrouve souvent dans l'œuvre. C'est ça, après il y a des thèmes récurrents qui sont universels, t'as des thèmes récurrents qui marchent plus en fonction de la nationalité de la personne, et après t'as des thèmes propres à la personne. Donc ouais, moi je pense que quelque part, tout le monde se fait, quand quelqu'un crée, tout le monde fait un peu sa sorte de psychothérapie pour comprendre certaines choses, ou en tout cas les poser par écrit, je pense. Ça va peut-être être le moment de se séparer. Mmh. Ouais, on va aller remettre du bois dans le tout feu. Tout à fait. Ouais. On va se mettre sous la tente. On va surtout se remercier. Remerciez-vous entre vous. Moi, j'ai la flemme. Merci. Merci. Merci. Non, merci. Vraiment, fallait pas, je suis touchée. Voilà, oui. Pouf. Arrêtez de me décrocher. J'aurais pas vu. Ah bah, j'aurais su. Vraiment. Bon, pour terminer, merci Karine. On te retrouve où tu fais quoi en fait? On me retrouve sur Twitter à @kikrine pour discuter. C'est bien ça. J'aime bien discuter. Et puis dans Une fille, un podcast. Quand vous avez rien à faire, vous pouvez aller écouter mes conneries. Et 1%. Ah oui, et 1%. Que je suis à jour maintenant. Ça y est, je suis à jour. Voilà, où on m'entend rigoler pendant... Mais tout le temps, je crois. Ah bah c'est bien parce que ça fait rigoler dans le bus. C'est tout. Voilà. Musica, on te trouve où? Principalement sur Twitter aussi, donc @musica_du_mn. Dans beaucoup de podcasts où quand on me demande si je veux ouvrir ma gueule, je dis oui. C'est... voilà, genre là dans la playlist, tu veux venir? Oui. C'est ça. Mais non, voilà, après sérieusement, c'est dans pas mal de podcasts, donc la playlist, Queen Novi. Beaucoup de podcasts chez Fresh Points, j'en ai quelques-uns de mon côté, mais je vais vraiment les reprendre cette fois, je dis ça à chaque fois, mais il faut juste que j'installe le logiciel et puis tout ira bien, mais voilà, principalement c'est là qu'on me retrouve. IJ, on te retrouve où? Twitter. Simple, clair, net. Non, mais comme la dernière fois dans la playlist, toujours sur Twitter, je n'en ai pas changé. C'est toujours le même. Ça veut dire qu'il faut que tu le redonnes, ton Twitter. J'ai toujours. Ah, pardon. C'est @anasclepios. Vas-y, donne toutes les lettres. Le nom de IJ. Parce que je sais pas, voilà. @anasclepios. Vous pensez à Asclepios et vous mettez Anna devant. C'est facile à retenir. Bien sûr, une Asclepios, oui, bien sûr, oui. Très facile. Dieu très, grec, très médecine, facile. Tout ça, enfin bon, bref. Sinon, cherchez ça. Ça sera plus simple. Et pour finir, Fox, on te retrouve où, Fox? Eh bah, ben, tout pareillement sur Twitter, @thenetofox. On peut me retrouver également en live généralement avec le copain Tostaki, enfin le Toast maintenant parce qu'il a décidé de raccourcir son nom, sur sa chaîne Twitch, donc twitch.tv/le_toast. Généralement on fait les lives les mercredis soirs, et puis peut-être qu'un de ces jours on me retrouvera sur YouTube à essayer de faire une vidéo, mais pour ça il faudrait que je continue à écrire. Et je peux pas dire que je sois très prolifique en ce moment. Et sinon, on me retrouve généralement dans la playlist, dans les hors-séries. Il n'y en aura qu'un seul. Ouais, non, parce que bien évidemment, il y en aura un autre. Et bien évidemment, on sera de nouveau invité parce qu'on était meilleurs éléments. Donc... Les plus... Mais oui. Absolument. On est ceux qui travaillent le plus. Ouais, on est ceux qui se donnent le plus. Pour essayer de faire vivre ton émission. On fait même plus de pubs pour ta émission que toi, tu n'en fais. J'ai pas remarqué sur Twitter, j'ai pas remarqué non plus sur le nombre de téléchargements, mais je vous fais confiance à 2000%. Donc voilà où on peut me retrouver globalement. Ouais. Sinon, je pense qu'on pourra aussi te retrouver le 20 février 2015 à l'Olympia au concert de Simon & Garfunkel. Donc du coup demain soir en fait si vous voulez si vous avez sauf si tu considères que 2015 est cette année parce 2016. Qu'il a quand même dit 20 février 2015. Ah, il a dit 2015, j'ai pas fait gaffe. J'ai entendu 2015 donc, au moins. Non, donc 2016, autant donc pour 2016. Moi. Donc oui, si vous avez un billet et que vous voulez venir discuter, ce sera avec plaisir. Vengeance. Enfin pleurer, ça... je reviens. Enfin plutôt je devrais dire ça aurait été avec plaisir parce qu'au moment où ça sera diffusé, ça le concert sera passé depuis au moins 2 mois certainement. Techniquement oui. Certainement oui. Donc voilà, on pourra me retrouver devant l'Olympia à partir de demain. Eh ben j'espère que tu rentreras pas, tu resteras devant. Pas moi. Les femmes sont pitié. Oh comme elle est hargneuse, dis donc. Je ne suis pas une femme. On voudra des photos. Des photos. T'oublies. Et vous aussi, parce que je sais même pas non plus. Ouais, mais nous, on va pas le voir en concert. Ah ouais. Pas encore. Je ne désespère pas. Ah ouais. J'essaierai de faire des au moins un enregistrement audio. Mais je garantis rien. Si t'as moyen de nous faire une photo du concert que je puisse la mettre en vignette de l'épisode, ce serait trop classe. Ouais. Ah, et oui. Si t'as un truc à lui faire dédicacer, tu le fais. Ah oui, non, mais j'ai pris. Hein. Non, si t'as 40 trucs à lui faire dédicacer, tu prends presque oui pas. Mais j'ai la photo dédicacée. J'ai pris un album, je verrai au cas où. Mais je verrai si je peux, hein, mais bon. T'imagines, tu te retrouves devant. Non, mais parce que tu vois, autant. J'ai marqué quoi? Vous marquez la playlist, s'il vous plaît, sur la playlist. Non, mais tu vois, autant c'est facile de prendre une photo de Johnny à Bercy, autant dans l'Olympia avec. Alors, généralement, quand j'ai été le voir à Cigale l'année dernière, il avait fait passer un message où il disait qu'il voulait pas trop que ça bouge, les appareils, quoi. Du coup, je sais pas si la photo, je sais pas si je réussirai à la voir. Je sais pas, une photo de l'affiche ou quelque chose. Ou allez, un petit on truc. Y croit. Ouais, enfin, je prendrai déjà une photo de l'aventure que je posterai sur Twitter, je pense. Je verrai. Voilà. Je me démerderai comme je peux. Bon, on y croit. Bon, bah, merci d'avance, on sait jamais. Hein. Ouais, merci, ça me fait plaisir. Bon, sinon, la playlist, vous pouvez retrouver sur Twitter, @la_playlist, sur podcloud.fr, la-playlist.podcloud.fr, et comme d'habitude, vous pouvez retrouver la playlist de cette émission de Sœur Série sur Spotify. Je vous mettrai le lien dans le billet de l'épisode, et surtout, vous pouvez aussi retrouver les petits bonus qu'on a ajoutés à la fin, donc du genre Michel Delpech et puis les Muppets. Oh, oui. comme c'est... Merci, puis, pour merci à toutes. Merci. Merci, Fox. Merci. Ça fait bien. On va se quitter avec ce petit son de feu de camp, tout tranquille. De feu. Gentil. Est-ce que c'est aussi ça, Simon & Garfunkel? Oui. On va aller faire fondre nos chamallows sur des pics. En jouant sur de la guitare, avec une guitare sèche. La guitare sèche. Ah ouais. Oh, oui. C'est un peu la colo. Ouais. La playlist, c'est un peu la colo. Avec les tendres. Et Barberousse, c'est notre mono. C'est ça. Donc on va se quitter avec des lai lai lai lai lai. C'est ça. Ah, vous les faites, hein. Lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai